téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Bonjour Blockbuster, alors vous nous avez expliqué comment devenir samouraï, mais vous ne nous avez pas expliqué comment faire la samouraï. Alors c'est facile, hein, un tiers harissa, un tiers mayonnaise, un tiers ketchup pour la sauce samouraï. Voilà, voilà, désolé. Salut toute l'équipe, c'est Patrice. Bon, je viens d'entendre le Blockbuster sur les samouraïs et très franchement, c'était un très bon Blockbuster, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, une petite critique, toute petite, sur le code moral, parce que souvent on parle de Bushido comme quelque chose qui nous viendra du Japon féodal, alors que c'est pas tout à fait exact, donc ça aurait été une petite précision sympa, mais franchement, je pinaille. Super bonne émission, quand vous faites un truc sur l'équitation, hein, parce que ça viendra peut-être, pensez à moi. Des bisous. To be or not to be, not to be. Ce que j'aime bien dans le fait de traiter des blockbusters du passé, c'est que le service marketing n'est plus là pour t'inciter à en parler. Tu ne recevras aucun comédien surveillé par un attaché de presse stressé en régie qui va te dire que l'ambiance de tournage était formidable et que l'équipe était comme une grande famille. Plus d'animateurs qui invitent les auditeurs à lire ce livre ou voir ce film supposément très réussi, alors qu'en antenne, 10 minutes avant, il te disait que c'était une croûte sans nom qui lui avait donné envie de s'enfoncer une cuillère rouillée dans les yeux. Non. Si tu parles d'un blockbuster qui a passé l'épreuve du temps, c'est juste que t'as envie d'en parler. Et puis, il y a Elden Ring, le dernier jeu vidéo du studio From Software qui vole toutes mes heures de sommeil depuis maintenant plus d'un mois. Ce jeu est incontournable. Ça fait bien des années qu'un jeu vidéo ne m'avait pas embarqué ainsi dans son univers, ses mécaniques, sa direction artistique. Mais pourtant, est-ce qu'il n'est pas trop récent pour dire de lui que c'est un blockbuster ? Est-ce que je suis pas en train de tomber dans les travers de l'hyperbole numérique où toutes les semaines, sans nuance aucune, on parle du film de l'année, de la série du siècle ? Là, franchement, la question mérite d'être posée. Mais dès l'instant où tous les jeux que je découvre désormais sont automatiquement évalués en fonction de ce que j'ai ressenti en jouant au dernier jeu d'Hidetaka Miyazaki, je crois qu'il faut être honnête, il y aura un avant et un après Elden Ring. France Inter, Blockbuster, juste ici ça va. Frédéric Siglist. Cela se produisit il y a bien longtemps. Mais j'en conserve très clairement le souvenir. Par une brumeuse nuit d'hiver, la rune de mort fut dérobée. Et la chute des demi-dieux fut amorcée. À commencer par celle de Godwin le Doré. Cela poussa la reine Marika à la folie. C'est alors que survint l'éclatement. Une guerre qui plongea le royaume dans la tourmente. Le cercle d'Elden fut brisé. Mais par qui ? Et à quelle fin ? Il y a quelques temps, j'ai consacré un blockbuster à l'incroyable créateur de jeux vidéo Hidetaka Miyazaki et son légendaire studio From Software, responsable d'œuvres telles que Dark Souls, Sekiro ou encore Bloodborne. À l'époque, avec les intervenants et intervenantes présents autour de la table, nous étions dans l'expectative concernant le prochain projet du studio, Elden Ring. Depuis, on a pu y jouer et force est de constater que ce jeu est le joyau de la couronne From Software, une pépite qui a enfin réussi à ouvrir l'univers impitoyable de From Software au grand public. Et pour revenir sur le succès monumental d'Elden Ring, j'ai avec moi Dietz. Bonjour Dietz. Bonjour. Vous êtes streameuse sur Twitch depuis 5 ans, vous aimez particulièrement les jeux d'exploration, d'aventure, ceux qui vous font voyager, et vous tenez un compte Instagram sur lequel vous postez des photos de paysages de jeux vidéo, et vous êtes tombée amoureuse des jeux From Software avec la découverte de Bloodborne il y a 3 ans. Tout à fait. Avec nous, la belle voix d'Exerve. Bonjour Exerve. Et salut à tous. Vous êtes auteur, vidéaste et consultant en game design et on vous doit notamment de formidables guides sur Elden Ring. Bah, c'est encore en cours, mais oui, j'y travaille activement. Avec nous, et on est ravis de la retrouver, Carole Quintaine, bonjour. Bonjour, comment ça va? Mais très très bien. Alors, vous êtes créatrice de contenu, il y a la chaîne YouTube, il y a désormais le Twitch. Enfin voilà, vous êtes devenue une figure incontournable de la culture jeux vidéo en France. Bah, c'est très gentil, bah, en tout cas je fais de mon mieux. Avec nous, et on... Bah, Mon comparse, voilà, mon jumeau d'une autre maman, Arnaud Tomassini, bonjour. Salut Frédéric. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de comicsblog.fr, co-créateur et animateur du podcast First Print. Tout à fait, et donc grand joueur des From Software depuis le premier Demon's Souls, c'est pour ça que je suis là. Oui. Merci. Ensemble, on va vous expliquer ce qu'est Elden Ring, son histoire, ses mécaniques de jeu, ses influences et sa difficulté ou non. On parlera de ce qu'il représente dans la galaxie des jeux en monde ouvert. On évoquera la communauté d'Elden Ring qui fait désormais partie intégrante de l'expérience. Bref, on essaiera de voir si ce jeu a été à la hauteur des fans des jeux From Software. Well, I see you found another great room. Wonderful. You are a worthy fellow tarnished indeed. Make the journey to the capital, Laendel, that lies to the east of the Altus Plateau. At the foot of the Erd Tree, the Two Fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring, for we are tarnished. And we must answer the call of grace. Morgoth the Grace-Given is Lord of Laendel, the capital city. Carole Quintaine. Est-ce que vous pouvez expliquer ou présenter Elden Ring à quelqu'un qui n'y aurait jamais joué ? Absolument. Ce que je peux dire d'Elden Ring à quelqu'un qui aurait peur déjà de se lancer sur ce type de jeu, parce que bah, tout comme moi, il n'avait pas la patience ni le talent, hein. Il faut bien le dire, pour se lancer sur des jeux From Software, c'est lui dire n'aie pas peur, vas-y, on te tend la main, la porte est ouverte. Tu vas pouvoir découvrir un monde incroyable, magnifique, sublime, où la découverte, où le sens du voyage sont au rendez-vous, avec un merveilleux level design, évidemment, je pense qu'on va y revenir, mais une aventure incroyable, où le chemin réserve mille et une peurs, évidemment, hein, puisqu'il y a plein de moments où, évidemment, tu flippes, parce que c'est dur, mais aussi mille et une merveilles. Je pense que c'est le jeu Elden Ring qui ouvre les portes aux autres jeux From Software, qui ouvre les portes à ceux qui avaient peur, qui n'osaient pas, à tout type de joueurs, à tous les joueurs. Et pour moi, Elden Ring, c'est vraiment un chef-d'œuvre du jeu vidéo aujourd'hui. Et pour les gens qui sont, alors je ne vais pas dire néophytes, parce qu'aujourd'hui, on sait que le jeu vidéo est pratiqué quand même par beaucoup, beaucoup de foyers, mais pour quelqu'un qui n'aurait peut-être pas une connaissance aussi aiguë du monde des jeux vidéo, ça se rapprocherait de quel autre jeu ? Moi, je dirais que ça se rapproche d'un Zelda Breath of the Wild, c'est-à-dire que c'est un jeu d'aventure où on va incarner effectivement un personnage, un sans-éclat en l'occurrence, qui va arriver sur ces terres où des demi-dieux se battent pour le pouvoir, hein, pour l'ambition bien sûr. Et donc, dans ce jeu, on va devoir trouver de l'équipement, de quoi s'améliorer au fur et à mesure pour progresser, battre des ennemis extrêmement difficiles, qui vont devenir de plus en plus difficiles. Il va y avoir des mystères, on va visiter des grottes, des catacombes, des châteaux. C'est vraiment avant tout un jeu d'aventure, en fait, avec une grosse dimension, évidemment, RPG. On va trouver des objets, mille et une choses. C'est vraiment un jeu avec un lore extrêmement dense, où on t'explique pas grand-chose, hein, en revanche. Mais je dirais que je comparerais ça, oui, à du Zelda, un grand jeu d'aventure. Dites, je l'ai dit dans la présentation, vous avez toujours eu une grande histoire d'amour avec les jeux From Software. Comment s'est passée la découverte avec ce jeu Elden Ring ? Alors, moi, ça m'a un petit peu perturbée parce que justement, le monde ouvert, je ne suis pas trop habituée dans les From Software. Et j'ai eu un petit peu du mal parce que je suis un petit peu comme ce petit chien fou qui est attiré par tout ce qu'il voit. Et c'était un petit peu difficile de trouver un chemin pour m'y tenir, en fait. Je commençais une petite zone, puis j'allais sur une autre zone, puis j'allais sur une autre zone. Et c'était vraiment très difficile pour mon cerveau de rester concentré sur un chemin et d'arriver au bout de mes objectifs. Donc ça a été un petit peu difficile d'entrer en matière dans Elden Ring quand même. Oui, parce qu'il faut préciser qu'en matière de monde ouvert, là où d'habitude l'écran est balisé par des indicateurs de quête qui vous disent, voilà, il faut que vous alliez à tel endroit, des points sur la carte qui vous disent, c'est là que la suite de l'aventure se déroule. Dans Elden Ring, cette manière de vous lâcher, mais dans un centre commercial ou dans un grand, grand terrain vague, mais sans aucune indication, dans une langue que vous ne connaissez pas, parce qu'on vous parle de référence et on vous lâche des mots de villes que vous ne connaissez pas, et c'est vraiment, mais tu peux aller où tu veux, à tes risques et surtout périls, en fait. Il y a un peu ce principe, Arnaud Tomassini. C'est une façon, c'est une recette qui a toujours été appliquée chez From Software, c'est de pas prendre le joueur par la main, et c'est en fait ce qui fait quelque part le succès du studio, c'est d'aller à l'encontre de tout ce que font les grands jeux AAA modernes, c'est-à-dire vraiment de mettre des indications partout. Et en fait, là, depuis le premier Demon's Souls, en fait, c'est juste, t'es dans un univers, explore, apprends en fait par toi-même et souvent par l'échec et par la mort, mais vraiment explore à ta façon. Et on pouvait avoir peur effectivement qu'en appliquant la recette de l'open game, en fait il s'éloigne un petit peu de ça, mais au final non. Alors t'as certes une carte où des indications te seront données, mais l'idée c'est faire un peu comme ce que disait, enfin la référence à Breath of the Wild est vraiment parfaite, puisque c'est vraiment, en fait, tu vois un endroit loin, tu peux y aller en fait, et tu vas aller voir qu'est-ce qui s'y passe, et si cette tour au loin t'appelle, et ben tu peux y aller au bout de quelques heures. Alors certes, sur le chemin un dragon va te tomber dessus où tu vas te faire... Mais il va vraiment te tomber dessus. Ah oui, littéralement. Mais c'est vraiment ce sentiment de liberté qui est très grisant, et le fait d'avoir zéro indication est pas du tout contraignant, puisque ça t'invite simplement, toi, en tant que joueur, en tant que voyageur, à laisser libre cours à tes envies. Exerve, là je m'adresse vraiment aux connaisseurs des jeux From Software. Quelle a été votre réception personnelle de Elden Ring ? Alors ça s'est fait en plusieurs étapes, parce que j'ai eu l'occasion d'y jouer du coup un peu avant la sortie, lors de sessions de preview, de choses comme ça. Je pense que très tôt je me suis rendu compte que ça allait être un énorme monument du jeu vidéo, et qu'il y aurait effectivement, comme disiez tout à l'heure, un avant, un après. Là, à force d'y jouer, forcément, je commence à voir un petit peu les limites de la formule et le vernis s'effrite un petit peu à certains endroits. Mais globalement, c'est ce que disaient tous les autres intervenants, c'est-à-dire que cette découverte de cet open world, de se rendre compte qu'on peut enfin être libre, puisque ça, c'est une phrase que Miyazaki, le créateur, disait depuis le début. Hein, il voulait depuis toujours nous donner des endroits, on les voit au loin, on peut y aller. Là, littéralement, il n'y a aucune limite, il n'y a rien qui nous empêche d'y aller, et de se perdre comme ça pendant des heures, c'est quelque chose effectivement de grisant. Je pense que le terme est très bien choisi. Et quand vous parlez d'un vernis qui se fissurerait, vous faites allusion à quoi? Quels sont, parce que moi j'en dis énormément de bien, si je fais une émission sur le jeu, c'est forcément qu'il a un gros succès, mais ça veut peut-être aussi dire qu'il ne faut pas nier les défauts qui peuvent faire partie du jeu. Donc qu'est-ce qui vous a moins plu, ou qu'est-ce que on pourrait retravailler dans un Elden Ring 2 éventuellement? Ouais, je pense que c'est plus dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment face à des critiques. Le jeu a pas fait pas des erreurs, ou il n'y a pas des manques flagrants, c'est-à-dire qu'il a pas volé toutes ses notes et tous ses commentaires dithyrambiques. Même moi, je l'adore. Hein. C'est vraiment un jeu que je trouve fabuleux. C'est juste que forcément, comme j'y passe énormément de temps, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que le jeu est peut-être trop dense, en fait. Il y a vraiment trop de contenu, à mon sens. On sent que sur la fin du jeu, vraiment la dernière moitié, on va dire la deuxième moitié qui intervient après. Peut-être, je sais pas, selon les gens, ça va être 40, 50, 100 heures, ça dépend. On sent qu'ils sont un petit peu, ils ont été moins, comment on pourrait dire, moins dans le détail. Ils nous balancent des ennemis un petit peu sans trop de réflexion. Oui, il y a une enfilade de boss qui arrivent, qui sont très rapprochés les uns des autres à un moment donné. Ouais, et c'est pas forcément ce que je trouve le plus réussi. Et malheureusement, les boss qui étaient auparavant vraiment le cœur de l'expérience des jeux From Software, c'est des ennemis, on avait une espèce de liaison un peu avec eux, de relation intime avec ces personnes. Là, étant donné qu'ils sont toujours systématiquement en double, en triple, en quadruple, on perd un petit peu l'effet de grisant de combattre les boss, mais c'est compensé par l'exploration, le lore, l'univers. Donc je pense que pour un premier essai d'un studio qui n'avait pas du tout les moyens de faire un jeu open world, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'ils sont allés taper plusieurs ligues au-dessus de ce qu'ils étaient capables de faire au départ, ils s'en sortent merveilleusement bien, et bien mieux que la plupart des concurrents. Mais voilà, il y a encore évidemment une marge d'amélioration, quoi. Et Alors évidemment, là on parle du décor, du paysage, de l'environnement dans lequel se déroule le jeu, mais il y a une histoire, et notamment une histoire qui a été écrite en partie sur la base d'une collaboration avec George R. Martin, l'auteur de Game of Thrones. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire d'Elden Ring qui, contrairement à ce qu'on lit souvent, a énormément d'importance, simplement comme il n'y a pas de journal qui a le listing de ce qu'on vit, c'est aux joueurs de se souvenir des informations essentielles qui sont données, mais l'histoire est quand même très très développée. Carole Quintaine, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'histoire d'Elden Ring? Alors moi, ce qui m'a marqué au départ, effectivement, c'est qu'on ne te dit rien. On te met là, tu es un sans éclat, tu dois évoluer. Alors il y a une petite introduction qu'on a en partie entendue hein, tout à l'heure au début, il y a ces demi-dieux qui sont là, tu dois... voilà, les battes pour récupérer ces runes. Ce qui m'a marqué, c'est que il y avait ce combat, cette ambition de chacun des antagonistes, des boss qu'on allait croiser, cette ambition justement à devenir, à être en fait seigneur d'Elden, et que nous-mêmes on partageait cette ambition puisqu'on voulait voilà tous les terrasser pour prendre le pouvoir. Il y a Marika aussi hein, qu'on évoque énormément en fait dans le jeu. Elle est toujours en fond. Il y a ces petites effigies de Marika qui permettent de renaître hein, pas très loin des zones difficiles, mais on sait pas trop, donc cette déesse empyréenne, c'est ça, c'est cette déesse hein, voilà dont on parle, qui est la mère de tous ces demi-dieux, et qui domine hein, finalement. Et c'est en lisant les manuscrits, en lisant la description des objets, en regardant tout, en prenant le temps en fait hein, d'aller dans le petit détail, qu'on apprend un peu mieux l'histoire et le lore d'Elden Ring, qui est énorme. Il y avait beaucoup de joueurs au départ qui disaient mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario, alors que non, bien au contraire, mais il faut se pencher sur tous les objets, la description même des armes, parce qu'elles ont appartenu à tel ou tel personnage, les runes, tous les boss qu'on va battre, ils ont une histoire, les châteaux, les lieux. Moi c'est ça en fait, oui, qui les m'a gens marqué. Qui sont régis par l'ordre d'or, ceux qui appartiennent à la famille Caria, les magiciens, c'est ça, voilà complètement. T'as le manoir du volcan, effectivement, le manoir Caria, les différentes religions aussi, parce que dans cet univers, l'entre-terre dans lequel on évolue, il y a aussi des divisions séculaires religieuses entre voilà, fidèles d'un dieu présent ou non, et ceux de factions opposées. Et c'est vrai que Arnaud Tomassini, on a souvent lu que, par exemple, que l'apport de George R. Martin était finalement assez congru. Je trouve que plus on avance dans l'histoire, plus on prend le temps de le recouper, et plus on se rend compte que non, c'est définitivement une œuvre de George R. Martin aussi. C'est-à-dire qu'il y a les lecteurs de Game of Thrones, le livre, beaucoup plus que ceux qui ont regardé la série, reconnaîtront beaucoup, beaucoup, beaucoup des obsessions de George R. Martin. Il y a une dimension familiale, en fait, qui est vachement plus présente que dans les précédentes œuvres de From Software. Après, il l'a dit en interview que c'était il y a quelques années qu'il avait donné, en fait, toutes ces indications sur le world building et sur les personnages principaux qu'il voulait mettre, et qu'après il regardait en fait ce que le studio lui ramenait pour valider tout ça. Et mais après c'est vrai que c'est ça, c'est en fait c'est qu'il y a cette Marika qui est la mère de tout, il y a ces histoires de demi-dieux, d'empyréens en fait, et de famille surtout, avec des personnages qui sont liés par le sang. Et je pense que c'est cette dimension là en fait, et cette querelle intestine presque politique en fait qui est présente, mais même d'ailleurs sur la dimension politique, parce que le joueur en fait, en devenant seigneur d'Elden, doit rétablir l'ordre en réparant le cercle d'Elden, qui est grosso modo en fait l'incarnation, l'imagerie de l'ordre. Et le joueur aura la possibilité à la fin en fait de dire effectivement je veux rétablir cet ordre là ou alors je peux laisser libre cours au chaos ou à une plus grande liberté aux personnages de cet univers. Donc il y a aussi cette dimension politique qui, je pense, est assez liée à ce que a pu faire Martin dans ses écrits. Dites, je le sais en suivant vos vidéos, vous êtes vraiment de ces joueurs qui se jettent directement dans l'action pour se mettre des défis toujours plus ardus. Est-ce que vous avez été sensible à cet aspect de la mythologie, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose dans les jeux From Software que vous mettez plutôt au second plan? Alors, je suis quand même sensible à la mythologie, parce qu'en fait, elle nous imprègne forcément quand on est dans le jeu. On est submergé par tout ce qui nous entoure. Mais moi, je le vois surtout au côté visuel, parce que c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup chez moi dans les jeux vidéo. La mythologie, elle m'imprègne par le design des ennemis, par les zones, comment elles sont imaginées, comment elles sont construites. Et du coup, je ne vais pas forcément analyser ce qui m'est dit. Je lis les descriptions des objets, etc. mais je ne fais pas tout de suite les liens, en fait, et je me laisse vraiment submergée par tout ça. Je me laisse embarquer par tout ça, et c'est vrai que je vais aller sur les boss, je vais aller les taper, et en fait, c'est que très, très longtemps après que je vais me dire « Ah, mais en fait, il y avait un lien avec ça, etc. » Vraiment, enfin, je pense que je suis bon public dans le sens où voilà, je laisse les choses venir à moi et je mets longtemps à faire tout ce process de réflexion sur la mythologie, etc. D'accord. Et Xerve, c'était la première fois que Hidetaka Miyazaki travaillait en collaboration avec un auteur qui en plus n'est pas le moins connu. Donc comment vous avez reçu ce mariage de deux univers? Ben il est pas non plus si évident, c'est-à-dire que effectivement on va retrouver les notions de famille, etc. Mais derrière la matrice globale de l'histoire d'Elden Ring, c'est plus ou moins celle des précédents jeux From Software. Il y a on arrive après les événements, c'est-à-dire que la guerre dont le personnage nous parlait tout à l'heure là au début de l'émission s'est déjà produite. Nous on arrive en fait un peu au milieu des ruines de ce conflit là et on va essayer de restaurer l'ordre. Et ça c'est des choses qui sont déjà présentes dans tous les précédents jeux. Par contre, c'est vrai qu'il y a toute cette dimension famille, cette dimension un petit peu divine qui est vraiment très présente et plus que les autres jeux. Et ça, je pense que ça rejoindra une autre question plus tard sur l'accessibilité et l'ouverture aux nouveaux joueurs. En fait, il y a vraiment beaucoup de personnages qui nous parlent et qui nous donnent des informations très précises. D'habitude, c'est des phrases sibyllines, on comprend rien à ce qu'ils nous disent dans les jeux From Software, ils font mention à des trucs et après ils finissent en rigolant. Là, on a des personnages, tout à l'heure on entendait donc un personnage en anglais, Gideon, qui nous dit, Gideon, il faut se rendre à la capitale. Oui, voilà, c'est ça, il faut se rendre à la capitale, c'est bon, tu peux y aller, etc. C'est presque des indications, on n'a jamais vu ça, en fait, dans les jeux From Software avant. C'est vrai que même d'un point de vue de game design, le fait qu'en allumant les points de camp, en fait, en fait, on a des directions qui nous pointent vers le prochain endroit où faut aller, et ça reste, c'est un petit indice, mais c'est quelque chose qui tranche quand même par rapport au précédent jeu où là, par contre, t'avais jamais d'indication, à part parfois si tu parlais à certains personnages, mais il y avait jamais comme ça de flèche qui te disait le prochain point de grâce se trouve là-bas, et ça participe peut-être à l'accessibilité. Et c'est très instinctif, en fait. Je trouve qu'on fait très instinctivement, c'est-à-dire qu'on sait. On sait où on doit aller. Au début, je voyais beaucoup de joueurs, et moi j'en faisais partie aussi, puisque je suis néophyte, je découvrais comme ça, on se disait où on va, puis en fait ça vient naturellement. Tout naturellement, tu vas vers des zones qui, petit à petit, vont être de plus en plus accessibles. T'as effectivement ces points de grâce qui t'indiquent vers où aller, mais c'est fait de manière tellement subtile que finalement tu sens que tu le fais instinctivement, et c'est ça qui est merveilleux, en fait. Et évidemment, le level design y contribue largement. Oui. Et alors... Les jeux From Software sont toujours un événement, mais Elden Ring, on l'a dit, semble avoir franchi un cap en termes de reconnaissance du grand public. Et franchement, comment on explique ce succès? Moi, je pense que le fait que ça soit un monde ouvert, une première pour un jeu From Software, a vraiment été l'élément déclencheur qui a permis au grand public de vraiment se jeter dedans. Parce que là où d'habitude il y avait un corridor, un château qui pouvait être un petit peu punitif si jamais on n'arrivait pas à le passer, là il y avait la possibilité de temporiser en disant en attendant, je vais aller voir ailleurs. Je me calme et je reviendrai soit mieux équipé, soit dans un autre état d'esprit. Qu'est-ce qui explique, Arnaud, selon vous, le fait que Elden Ring est tout de suite devenu plus mainstream que... Je pense pas que From Software ait pas été déjà un peu plus mainstream depuis quand même au moins le premier Dark Souls, qui a quand même eu une reconnaissance de plus en plus accrue, et que tous les jeux From Software avaient quand même à chaque fois un certain écho. Après, bon, le monde ouvert en tant que game design, enfin en tant que jeu, c'est une des choses qui se pratique le plus aujourd'hui, notamment par tout ce qui est studios qui font des jeux AAA. Donc forcément, quand t'as l'aura critique de toute la production From Software plus le côté très grand public de ce qu'est le jeu ouvert, j'imagine que les deux ensemble, ça fait une synergie. Après, je suis même pas forcément d'accord sur le fait que dans les précédents jeux, tu pouvais aussi aller dans d'autres zones, en fait, pour farmer des âmes, pour augmenter de niveau. Tu pouvais aussi essayer de passer par d'autres chemins. Je trouve que tu avais déjà une certaine liberté dans l'exploration. Même le premier Dark Souls, tu pouvais effectivement prendre la voie facile. Tu pouvais aller dans la caverne avec les squelettes si tu avais envie d'un petit défi. Et tu avais plein d'interconnexions qui te permettaient d'avoir quand même une part de liberté. Après, oui, là, mais en fait, c'était, elle est exacerbée. On passait surtout d'un corridor à un autre. Voilà. Alors que là, il y a vraiment cette idée de plaine. Mais ouais. C'est parce qu'il y a un petit cheval. Ça a pris des éléments d'exploration qui de toute façon sont super, parce que effectivement le cheval tu l'obtiens très rapidement et puis il te permet de sauter aussi de t'affranchir en fait d'énormément de barrières physiques qui t'empêcheraient d'aller à tel ou tel endroit et de fuir aussi et de complètement. Quand les dragons te tombent dessus, le premier dragon tu vas fuir, le deuxième tu vas, c'est le premier truc que j'ai maîtrisé dans le jeu. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que voilà, pour le coup moi je suis je pense que je suis un bon exemple, j'y arrivais pas les Souls, même si on peut parler même des Sekiro, les Nioh, etc. Et c'est vrai qu'Elden Ring, j'ai ressenti pour la première fois ce que j'avais ressenti uniquement sur Zelda Breath of the Wild, c'est ce qu'on disait, mais la liberté tout simplement d'aller où je veux, faire ce que je veux. Effectivement, ce château là-bas que je vois au loin qui attire tellement mon attention, je sais que je vais pouvoir y aller, que ça va se faire naturellement, logiquement, et de pouvoir me dire ok, ce boss il me semble impassable, tant pis, je vais aller là, et je vais peut-être jouer même 100 heures avant d'y revenir. Avoir cette liberté, pour moi, ça a tout changé. Parce que là, tu vois, par exemple, je joue à Demon's Souls, sur lequel j'avais peut-être fait 10 mètres la première fois. Donc du coup, j'ai acquéri les mécaniques, l'expérience, plus d'assurance aussi, hein, forcément, ça m'a beaucoup aidé. Et effectivement, tu peux farmer un petit peu en retournant sur certains niveaux, etc. Mais c'est pas du tout la même chose, parce que c'est répétitif. Et moi, je trouve que c'est ce côté répétitif qui était frustrant au bout d'un moment. Tu vois, c'est un peu comme des jeux sur Returnal. C'est pas du tout le même type de jeu, mais le fait de faire tout le temps la même chose, je trouve que l'esprit et l'énergie se fatiguent, et que finalement, au bout d'un moment, tu dis bon, je fais toujours la même chose. C'est fatigant. Alors que tu n'as pas ça sur Elden Ring, parce que tu peux aller à droite, à gauche, et à chaque fois, tu vas découvrir, ta curiosité va être félicitée. C'est ce qui change tout en fait, je trouve. Alors je fais juste une petite parenthèse pour expliquer le terme farmer, parce que énormément d'auditeurs qui téléchargent les podcasts Blockbuster. Et alors, si vous ne connaissez pas ce terme de jeu vidéo, c'est quand en fait on amasse de l'expérience, de l'équipement, voilà, pour monter en niveau. Voilà, grosso modo, on fait ses emplettes comme si on était en train de se préparer à une grande dépression. on devient plus fort, on se nourrit et on a un meilleur équipement. Exerve voulait intervenir. Oui, en fait, je voulais revenir sur cette idée de succès, parce qu'en fait, là, vous décrivez plutôt le côté, genre, pourquoi les gens, une fois qu'ils ont acheté le jeu, ils l'ont pas revendu, qui était un phénomène qu'on voyait beaucoup à l'époque. C'est même pour ça, d'ailleurs, que moi, j'ai commencé à faire des vidéos il y a un peu plus de 12 ans. En fait, Elden Ring, il faut surtout se dire qu'il a été annoncé il y a très longtemps. Il bénéficiait de, effectivement, toute la bonne presse des précédents jeux, hein, que ça soit Bloodborne, Sekiro. À chaque nouvel épisode, l'augmentation du nombre de gens qui y jouent était manifeste. Dark Souls 3, pareil, il s'était extrêmement bien vendu. Et donc, en gros, je pense qu'ils ont préparé en amont une espèce d'énorme campagne marketing, et petit à petit, en fait, c'était devenu un de ces gros jeux qu'on attend, et le milieu du jeu vidéo et la presse fonctionnent comme ça. Et c'est vrai que d'avoir comme ça des jeux qu'on attend énormément, dont on parle régulièrement, et chaque petit nugget d'information qu'on va obtenir, ça permet de parler pendant des semaines dans la une de des sites spécialisés. Ça participe énormément à l'attente autour du jeu, et effectivement, les différents trailers qu'on voyait, enfin, ça donnait vraiment envie de cette grande aventure, quoi. Donc, je pense qu'ils ont vraiment travaillé leur communication pour préparer les gens à ce que ils reçoivent le jeu comme étant effectivement leur nouveau chef-d'œuvre. Mais les ventes sont vraiment bien au-delà de ce qu'ils s'imaginaient, quoi. Parce que du coup, on le sait, là, le dernier chiffre officiel qu'ils ont donné, c'était un peu plus de 12 millions de ventes, ce qui est énorme, hein. Ça les place directement dans les catégories des très gros jeux, genre The Witcher, GTA, etc. Alors qu'eux, ils s'attendaient peut-être à 2 ou 3 millions. Je pense que même eux comprenaient pas qu'ils étaient en train de nous préparer une énorme pierre, un gros monolithe de jeux vidéo qui se préparait, quoi. Arnaud Tomassini. Oui, juste pour rajouter sur l'aspect communication, parce que on l'a mentionné avant, mais le nom de George Martin aussi, en fait, permet de briser un palier, en fait, sur le public à qui on s'adresse, puisque en parlant en plaçant le nom, même les médias généralistes pourront dire ouais, le créateur de Game of Thrones sur un nouveau jeu vidéo. Donc ça permet aussi d'attirer l'attention de plein de gens qui ne s'intéressent pas forcément aux jeux vidéo à la base. Ah tout à fait. J'ai fait la promo de ce podcast et j'ai utilisé le nom de George R. Martin plutôt que celui d'Hidetaka Miyazaki, parce que je savais que pour le grand public, George R. Martin est plus connu que Hidetaka Miyazaki. Et bien justement, en me promenant à dos de bouquetin, au doux nom de Torrent, dans les marais putréfiés dans Elden Ring, m'est revenu en tête des images de l'histoire sans fin. Ce film culte faussement destiné aux enfants, hein, parce qu'on se souvient quand même ces marais putrides dans lesquels se pose ce cheval. Enfin bref, oh je ne veux non, pas y penser. No. Allez, on écoute Neverending Story, le thème de l'histoire sans fin. The mirror of your dream. Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. J'ai joué avec des jeux vidéo, mais je ne suis pas un grand joueur. Ce jeu s'appelle The Elden Ring. C'est la suite d'un jeu vidéo sorti il y a quelques années qui s'appelle Dark Souls et qui est sorti au Japon. J'ai travaillé dessus il y a quelques années. Ces jeux sont comme des films, ils prennent beaucoup de temps à développer. Essentiellement, ils voulaient créer un certain monde pour le jeu. La construction d'un monde est un facteur très important dans la fantasy et la science-fiction. Je ne parle pas seulement des personnages et de l'intrigue, mais le cadre est au moins aussi important. Par exemple, la Terre du Milieu de Tolkien, l'âge hyborien de Robert Howard, l'univers de base d'Isaac Asimov. J'ai travaillé sur un décor pour eux de manière assez détaillée. Et ils ont utilisé ce décor par la suite. Ça fait plusieurs années que je ne les ai pas vus, mais ils venaient périodiquement me montrer des monstres qu'ils avaient conçus, des effets spéciaux ou d'autres aspects cool du jeu. Le jeu s'est développé très lentement et là il sort en janvier, je crois. Je serais très excité à l'idée de le voir comme tout le monde. George R. Martin, qui devait être tellement content qu'on lui pose une question sur autre chose que quand est-ce que vous allez sortir les prochains tomes de Game of Thrones. Donc voilà, qui s'exprimait sur la création d'Elden Ring. J'aimerais maintenant qu'on aborde le sujet qui est toujours un petit peu le sujet majeur quand on parle des jeux From Software, qui est la difficulté. Est-ce que Elden Ring a une difficulté différente des autres jeux From Software? Dites, quel est votre avis sur la question? Alors, si on parle purement de battre des boss, etc., non, c'est les mêmes mécaniques et en fait c'est toujours aussi dur et il va falloir faire beaucoup d'essais sur des boss pour arriver à les tuer. Mais comme on en discutait tout à l'heure, il y a cette dimension de monde ouvert, cette dimension où on peut aller ailleurs si on est face à une difficulté. Alors c'est un peu vrai en quelque sorte dans les autres Souls, mais là vraiment particulièrement puisque on n'est jamais totalement bloqué par un boss sauf si on veut finir l'histoire principale, j'imagine. Et cette dimension là, je trouve qu'elle a complètement décloisonné ces jeux. En tout cas, Elden Ring. Et moi, je le constate parce que comme je le stream le jeu, du coup, il y a plein de gens qui viennent voir et qui m'en parlent et qui ont joué au jeu. Et ça me fait vraiment plaisir parce qu'en fait, je vois des publics très différents qui sont allés sur Elden Ring et qui s'amusent et qui arrivent à s'en sortir malgré la difficulté des boss et qui pensaient peut-être qu'ils ne pourraient pas arriver à faire ce genre de jeu. Et ça me fait extrêmement plaisir. Et on sent qu'il y a plein de mécaniques quand même pour aider parce que il y a le chemin qui va être indiqué, par exemple. On en parlait tout à l'heure avec la grâce qui nous dit où il faut aller. Que je trouve pas forcément subtil pour le coup, mais qui fonctionne en tout cas si on veut suivre ce chemin-là. Pour augmenter son niveau d'expérience, on n'est pas totalement obligé de tuer des ennemis parce qu'on va trouver plein de petites runes. C'est ce qui nous permet de monter en niveau. On va en trouver plein au cours du jeu, donc ça c'est hyper pratique aussi. Et donc je trouve qu'il y a vraiment eu un effort sur la difficulté dans Elden Ring qui fait que on peut aller dans le jeu malgré tout. Et vraiment, je trouve que c'est top à ce niveau-là. Exerve. Quel est votre avis sur la difficulté d'Elden Ring? Ou non? Non, de toute façon, ça reste des jeux difficiles, ça a toujours été le cas. Hein. L'objectif de ces jeux, c'est de procurer du plaisir en surmontant des obstacles. Donc ça a toujours été la philosophie derrière. Ce que je trouve super avec Elden Ring, c'est qu'effectivement, ils ont réussi à briser cette espèce de plafond de verre qui faisait que beaucoup de gens étaient très intimidés. La communication autour des Dark Souls, typiquement, employait beaucoup d'éléments de langage sur... une version du jeu, c'était « Prepare to die », donc « Préparez-vous à mourir ». Et je sais que moi, je passe l'essentiel de mon temps à rassurer les gens en disant « Non, mais de toute façon, tout le monde peut jouer à un jeu From Software, c'est pas des jeux réservés à une élite ou quoi que ce soit ». Et là, avec Elden Ring, ils ont pas eu cette communication-là, et pourtant, c'est la même chose. On a des boss parmi les plus complexes qu'on ait jamais vus sortis de ce studio-là, mais ils nous proposent tellement d'outils, on a une palette de possibilités qui est tellement large, tellement vaste, et qui en plus est compréhensible, même pour des gens qui connaissent pas forcément les arcanes de la série, qu'effectivement, on a l'impression que c'est un peu plus facile. Mais dans les faits, si on regarde vraiment dans le détail, les timings d'animation, les choses comme ça, c'est la même chose, c'est peut-être même un peu plus dur. Carole Quintaine ? Ah ben moi c'est très très clair, je le dis tout le temps d'ailleurs, et moi j'ai streamé Elden Ring quasiment en intégralité, j'ai terminé en live et je suis très très heureuse parce que j'ai vécu une expérience incroyable, parce que j'ai été soutenue évidemment par ma communauté mais par aussi beaucoup la communauté en fait des jeux des Souls, et moi j'avais très très peur, moi je suis nulle à ce genre de jeu parce que j'ai pas la patience, vraiment j'ai pas la patience, je suis marseillaise hein, donc il faut que ça aille très très vite, je n'ai pas le talent, voilà machin, j'ai pas le temps et machin, je prends pas le temps et voilà. Et je trouve qu'Elden Ring, effectivement, n'est pas plus facile, puisqu'en plus, maintenant, je suis sur Demon's Souls et je vois, je fais un petit peu le comparatif. Par contre, il est beaucoup plus accessible, effectivement. C'est vrai que c'est pas la même chose. Avec cette ouverture qui te permet de pas bloquer sur un boss et d'aller à droite à gauche, effectivement, on peut récolter des runes et augmenter de niveau sans forcément même battre des ennemis, découvrir en fait aller à son rythme. Et ça permet de pouvoir arriver devant des boss qui sont extrêmement difficiles, armés jusqu'aux dents. Alors que avant, t'arrivais devant un boss, tu bloquais, il fallait refaire tout le temps la même chose sur la même zone pour pouvoir le battre. Moi, c'est ce qui m'empêchait d'avancer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'était trop répétitif et ça me fatiguait, ça me décourageait. Là, il n'y a pas de découragement parce que tu sais que tu peux effectivement aller découvrir mille et une choses et revenir vraiment bien level up ton personnage, améliorer ton personnage et être bien devant des boss. Donc oui, je trouve que c'est beaucoup plus accessible. Moi, ça me fait énormément plaisir de pouvoir goûter à ces jeux parce que ce qui m'énervait en fait avant sur les From Software et même Sekiro, etc., c'était que je trouvais les univers incroyables, les directions artistiques complètement folles, mais que je ne pouvais pas en profiter. Et je me disais, mais j'ai envie d'aller plus loin, mais j'y arrive pas. Et aujourd'hui, effectivement, avec Elden Ring, je suis allée jusqu'au bout. Je n'aurais jamais cru pouvoir terminer ce jeu. Et aujourd'hui, quand je me vois avancer sur un Demon's Souls, je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Et c'est grâce à Elden Ring. Donc merci, From Software, de nous avoir ouvert la porte à nous, les joueurs un peu nuls. Voilà, on peut en profiter, c'est incroyable. Arnaud ? Ouais, alors de mon expérience, moi je l'avais dit en intro, je fais depuis le premier Demon's Souls il y a 10 ans, et j'ai une constante avec ces jeux, c'est qu'à chaque fois, et malgré les progrès que je fais, je me fais rouler dessus dès les premières heures. Ça je dois réapprendre à chaque fois à jouer. Mais j'ai trouvé que Elden Ring en fait avait un avantage vraiment particulier par rapport au précédent Soulsborne, c'est les options. Et je parle même pas seulement de se balader, mais même des options. Le truc que je retiens le plus, c'est les invocations qu'on peut faire. Et ça change vraiment tout. Et je pense qu'il y a vraiment tout un tas d'options que le jeu propose et qui te permettent en fait à toi-même en fait de te faire rouler dessus, puis après d'aller rouler sur les boss. Et le fait que parfois tu le découvres sur le tard. Par exemple, tu récoltes ce qu'on appelle des muguets fantomatiques. Tu sais pas trop à quoi ça sert. Tu te dis mais en fait tu t'aperçois que les invocations que tu as, qui sont pas très fortes, en fait tu peux aussi les améliorer. Et il y a plein de petits éléments qui en fait vont te montrer que tu peux vraiment, qu'il n'y a pas juste l'augmentation du niveau en fait qui va te faire progresser, mais améliore tes armes, améliore tes incantations, fais appel à d'autres joueurs, parce qu'il y a aussi tout ce qui est le multijoueur. Ça. Et moi de toute façon, je fais tous les Souls, je suis pas un excellent joueur, mais j'ai toujours réussi à m'en sortir parce que t'as quand même une certaine liberté à chaque fois de choisir en fait la façon dont tu vas aborder le jeu. Tu veux que ce soit super dur, vas-y avec un gourdin, passe pas de niveau. Tu veux que ce soit super facile, prends les invocations, recrute des autres joueurs, buff-toi en magie. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour faciliter le jeu, et puis t'as aussi toute la communauté derrière qui te permet d'avoir des aides. Faut saluer le travail d'Exerve aussi sur ses guides qui moi m'ont permis d'avoir de progresser beaucoup plus rapidement que si je le faisais tout seul. Donc c'est vraiment un ensemble qui fait que Moi, je suis persuadé qu'en fait, ces jeux sont pas si difficiles que ça. Mais après, tout en ayant passé 15 heures sur un boss. D'accord avec cette affirmation, parce que j'avais déjà fait les précédents From Software, et là, ce qui a changé, en plus, effectivement, des invocations, de possibilités, c'est que comme on est dans un système, dites, Exerve, si jamais vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire, hein. Mais comme on est dans un schéma qui est proche de celui de Zelda Breath of the Wild, il y a aussi les mêmes possibilités que dans Zelda Breath of the Wild, c'est-à-dire de créer son gameplay, son mode de jeu, et à mon avis, ça a même été pensé dans la conception du jeu, parce que il y a par exemple certains boss qui sont réputés très très difficiles, et moi, je me suis fait battre une ou deux fois, mais j'ai par hasard j'ai utilisé hasard. Mais non, mais vraiment, c'est il vrai? y a eu des fois comme ça, mon combat contre le greffé. Ouais. J'avais récupéré la vocation d'un chien pourri, mais vraiment un chien pourri, c'est-à-dire un chien galeux, fantomatique qui vient avec. Et je me suis battu contre ce personnage. C'était la troisième fois que je mourais contre lui, et il me tapait, il me terrifiait. Et en fait, je l'ai occupé suffisamment longtemps, et sans m'en rendre compte, j'avais pas encore compris qu'on pouvait faire comme ça, et j'ai commencé à voir sa barre de vie diminuer toute seule, parce qu'il était empoisonné par mon chien galeux. Mmh. Et donc moi j'ai fui, parce que je suis un lâche. N'est-ce pas? Et en fait, comme la deuxième phase, ce que tout le monde disait sur le jeu, bah il va y avoir une deuxième phase, attention, il va prendre une tête de dragon, et puis... Et ben en fait ça n'est jamais arrivé. C'est parce qu'en fait, il est mort tout seul. Oui, non, mais complètement. Ça m'a fait cet effet avec ma larme imitatrice, qui est donc une invocation qui est réputée pour être extrêmement cool. Voilà, cheatée. Mais je suis quand même allée chercher Tiche après, qui est vraiment cool aussi. Et c'est vrai qu'elles font le job. Elles font le job et ça aide vraiment. Alors après, tu peux te mettre des défis. Tu peux te dire, tiens, là, je vais pas faire d'invocation. Je vais y aller seule. Moi, j'aimais bien aussi la perspective de voir ce personnage très, oui, très, très charismatique, très puissant. Voilà, qui mourait juste parce qu'il avait chopé la gale. C'est ça. Et t'as des cavaliers qui sont donc réputés pour être très difficiles, qu'on appelle les cavaliers crépusculaires, il me semble. Là, vous me corrigerez si je me trompe. Et eux, par exemple, il y en a eu un, je l'ai entraîné sur un chemin. Il est tombé tout seul? Empoisonné. Alors, soit il est tombé, soit il s'est empoisonné, mais en 2 minutes, 42 000 runes. Enfin, j'étais ravie, j'en pouvais plus. Donc, il y a plein de petites astuces comme ça, effectivement. Et ça, à mon sens, c'est des choses que les concepteurs ont forcément imaginé, laissé, en se disant, bon. Voilà, le premier qui a trouvé, tant mieux pour lui, mais on peut aussi faire le jeu comme ça, Exerve. Ouais, c'est ça, en fait, ça fait... En fait, c'est pour ça que je disais, les jeux sont peut-être légèrement... Enfin, on parle vraiment de détails par rapport à la difficulté, mais de tout temps, les jeux From Software, ils proposaient déjà de moduler un petit peu la difficulté. C'est un jeu avec une difficulté à la carte. C'est juste que là, dans Elden Ring, les options qui nous sont données sont beaucoup plus évidentes. Les invocations, le fait qu'elles nous soient données très tôt, forcément, on se dit, bon, bah, forcément, avoir de l'aide, même quand on joue hors ligne, c'est plus évident. Mais et en plus, ils adorent ce genre de truc. Enfin, tous ces petits détails, tous ces petits spots qu'on connaît aujourd'hui par cœur et qui permettent de récupérer de l'expérience extrêmement vite en faisant tomber des ennemis dans le vide ou quoi que ce soit. C'est des choses, il y en a toujours eu et ça les fait marrer en fait. Enfin, ils ont une forme d'humour un peu sadique chez From Software qui se retrouve de jeu en jeu, quoi. Et j'aimerais qu'on parle, parce qu'on a depuis le début de l'émission, on entend la musique d'Elden Ring de Kitamura, je crois. Kitamura, ouais. Oui. Est-ce qu'on peut parler justement d'un mot de cette musique qui accompagne notamment mais plein de découvertes, plein de rencontres avec les boss? Parce que ce qui explique aussi la difficulté, à mon avis, des jeux From Software, c'est que le joueur doit souvent faire le contraire de ce qui lui vient naturellement. C'est-à-dire que quand un personnage, un boss apparaît, il y a toujours une mise en scène qui est telle que naturellement, instinctivement, tu as envie de reculer. Mmh. Alors qu'en fait, le jeu devient beaucoup plus facile si tu lui fonces dessus. Et est-ce que c'est la mise en scène et justement, que ce soit en termes de style graphique, mais aussi en termes de musique, est-ce que c'est pas aussi tout ça qui concourt à écraser le joueur avant même qu'on se soit véritablement frotté au boss? Ah bah, si je peux permettre, je pense que c'est effectivement ça. C'est-à-dire que, comme l'objectif des jeux From Software, c'est de nous donner ce sentiment de grison, de parvenir à surmonter des obstacles, l'image que j'emploie souvent, c'est que si on affrontait des licornes et des petits nounours, ça aurait pas du tout le même effet. Donc, tout l'univers est pensé pour nous faire peur, et effectivement, pour nous placer dans un état de stress, pour qu'on se dise, bon, bah là, on comprend quand on voit un ennemi qui a 15 bras comme ça, là, comme Godric, qui va nous attaquer, on sait que si on se fait taper, ça va mal se passer. Et donc, je pense que vraiment tout est effectivement fait, que ça soit dans le son, la musique, le jeu, enfin tout, pour qu'on ressente ce stress et que du coup, quand enfin on arrive à passer cet obstacle-là, on se dit mais c'est trop bien. Enfin voilà, on se sent super fort quoi. Et peu importe comment on l'a battu, hein, je le redis, hein, il y a pas de façon honorable de jouer. Il y a que des gens qui se prennent la tête avec ça. Merci Xerf. Non, mais c'est vrai que ça me rassure et je rebondis justement sur ce que disait Xerf et ce que tu disais aussi, Fred. Effectivement, les musiques, alors le design des boss, hein, ils sont très impressionnants, mais cette musique dantesque en fait, hein, il y a une espèce de dimension complètement folle qui fait très très peur et qui te ramène un peu aux peurs primaires de l'enfance. Ah, c'est un monstre, j'ai peur, j'ai envie de me barrer. Et toute petite anecdote qui n'était pas du tout sur un From Software, c'était sur Returnal dont j'avais battu le premier boss à l'époque. Juste le premier boss, j'avais failli crever d'ailleurs, j'en pouvais plus, mon cœur battait à 100 à l'heure, je l'ai battu parce que j'avais enlevé la musique. Et j'avais enlevé la musique parce qu'elle me stressait tellement que je me suis dit, ok, je vais me mettre Olivier Tom ou un truc derrière, je sais pas ma musique. Et je l'ai battu comme ça parce que la musique me foutait la pression en fait, c'était hyper stressant quoi. Donc voilà un nouveau mode de triche. C'est exactement. Voilà, changer la musique d'Elden Ring. Mettez Olivier Tom. Voilà, et les choses seront plus simples. Voilà. Dites, Votre est-ce qu'il y aurait une façon sur ce débat entre une façon noble ou une façon cheatée de jouer, quel est votre avis là-dessus? Ben non, je rejoins Exerve, il y a pas de triche, chacun bat les boss comme il a envie, chacun avance dans le jeu comme il en a envie. On en parlait tout à l'heure, moi j'ai une approche peut-être un peu différente des autres joueurs, ou en tout cas peut-être ceux qui découvrent Elden Ring, ou c'est-à-dire que je suis en train de me mettre des challenges idiots où je dis que je gagne en level que si j'arrive à tuer un boss, ce qui est complètement idiot parce que vraiment c'est difficile en fait, c'est, je souffre vraiment, ne faites pas ça. et non en fait je pense qu'il faut juste adapter à son niveau, à son challenge, il faut s'amuser en fait, c'est ça qui est important. Et moi par exemple sur Margit, j'avais une arme toute nulle. Il fallait vraiment que je sois très proche de lui pour le taper, c'était pas facile. J'ai fait beaucoup d'essais sur lui et je me suis imposé ces challenges là mais j'aurais pu aller level up. À un moment je me suis dit je vais prendre des invoques, sachant qu'en plus il y a un PNJ qu'on peut invoquer juste à côté de ce boss, donc en plus des invoques dont on parlait tout à l'heure qui sont dans notre inventaire, donc il y a des choses qui sont accessibles et moi j'ai décidé de pas le faire parce que ça m'amusait moins. Et c'est ma façon de jouer, mais si ces choses elles existent dans le jeu, c'est pour qu'elles soient exploitées en fait. Donc let's go. Oui, surtout qu'en plus là on parle d'un jeu qui est littéralement immense. On va évoquer notamment le sentiment de découverte et d'exploration qui est absolument phénoménal dans ce jeu. Et donc c'est vrai que quand on commence à imaginer qu'on a une vie, un travail, vie de famille et tout ça, et qu'on va commencer à jouer, bah on le sait, hein, quand on vieillit et que les choses se constituent, la portion de jeu elle devient un peu plus congrue. on comprend que tout le monde n'ait pas forcément envie de passer 130 heures sur un seul boss. Et avancer, et ça c'est vrai que dans les grands débats qui agitent les communautés de joueurs, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des âges différents, des priorités différentes, et que voilà, je comprends que les gens disent, écoute, moi quand je peux commencer à jouer à 23h, j'aimerais si possible avancer un petit peu avant 8 mois quoi. C'est ça. Oui, moi, en fait, je le stream. C'est mon métier. Donc, je peux y passer le nombre d'heures que je veux. Mais effectivement, il y a toute une partie des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, qui sont pas forcément habitués à ces jeux-là. Et voilà, il faut toujours adapter son challenge. Et il n'y a pas de mauvaise façon de jouer. C'est un jeu vidéo. Il faut s'amuser. Il faut prendre du plaisir. On n'est pas là pour souffrir, même si, bon, les Souls, on est un peu là pour souffrir aussi. Mais voilà. Il faut utiliser un mot de passe comme dans les séances un peu. Voilà. On arrête de souffrir là maintenant, on passe à autre chose. Merci beaucoup. Je suis Miyazaki de la société From Software. C'est une telle surprise et un honneur de recevoir cette prestigieuse récompense joystick doré. Je suis très humble. Cette récompense n'est pas seulement ma récompense, elle va aussi à tout le monde qui a travaillé avec moi au fil des années, en faisant des jeux vidéo. Toutes les personnes qui ont partagé cette passion avec moi, je veux remercier tous ceux qui ont collaboré au sein de From Software, nos éditeurs. Encore merci pour tout. Hidetaka Miyazaki qui a reçu un prix pour l'ensemble de son œuvre et qui, à mon avis, va en recevoir encore après la sortie d'Elden Ring, parce que là, je pense que c'est peut-être un petit peu présomptueux de dire qu'on tient le jeu d'ores et déjà le jeu de l'année 2022, mais compte tenu du calendrier de sortie, il y a quand même de fortes chances que ce jeu soit dans le top. Alors j'aimerais qu'on parle désormais de ses étendues, parce que c'est-à-dire que Elden Ring c'est quand même un jeu qui fait la part belle à la découverte et à l'exploration. Et de mémoire de joueur, j'avoue avoir rarement vécu des moments aussi intenses où tu as vraiment la bouche qui, la mâchoire qui se décroche, parce que tu prends un petit corridor dans une montagne, tu te dis tiens c'est quoi ça ? Tu descends un petit peu et soudain tu tombes sur un panorama avec un château géant qui à côté duquel t'aurais pu passer, mais t'aurais pu terminer le jeu sans y aller. Tout a été développé à l'intérieur de ce château. Il y a des donjons. Tout d'un coup, tu prends un ascenseur et tu te rends compte que tu es dans un sous-sol qui est aussi développé que la phase du dessus. Les éléments de découverte, c'est incroyable dans Elden Ring. Exerve, comment a été pensée la conception de ces niveaux? Alors eux, ils appellent ça les Legacy Dungeons, c'est le terme qu'ils avaient donné en amont. En gros, c'est des donjons gigantesques qui étaient pensés comme les niveaux qu'ils faisaient dans les anciens jeux et qui étaient intégrés de manière assez naturelle dans l'open world habituel. Et ce qui est vraiment terrifiant et assez effrayant quand on joue à Elden Ring, c'est la quantité de contenu et de niveaux effectivement qu'on peut découvrir. Il faut savoir que sur l'immensité du jeu, je crois les plus de 150 boss qu'on peut affronter, il y en a que 12 ou 13 qui sont obligatoires pour finir le jeu. L'écrasante majorité du jeu est du contenu optionnel. C'est un pari qu'ils ont fait de se dire, ben voilà, les gens aussi, ils explorent et qu'ils se baladent, ils vont découvrir des choses et ça va pas les aider à finir le jeu, mais ça va leur procurer ce plaisir de la découverte. Et oui, en termes de panorama et de zone, on voit des endroits qui sont... c'est effectivement des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant dans un jeu vidéo, et les seuls éléments de comparaison, je pense à Shadow of the Colossus, qui est un autre jeu japonais sorti au début des années 2000, où on avait comme ça des créatures gigantesques qui cachaient d'un coup le soleil et qui faisaient une espèce d'éclipse naturelle. Mais il y a très peu de jeux qui vraiment travaillent à ce point-là, le gigantisme et comme tu le disais, le côté bouche bée face à un décor. Je sais, quand on arrive dans la zone de Lurnia, donc qui est la zone du lac où qu'on voit cet immense château là, l'école de Poudlard posée sur un caillou en plein milieu, c'est un moment qu'on vit quasiment jamais dans des jeux vidéo, quoi. Cette immensité m'a fait me poser la question de la fatigue des développeurs. C'est-à-dire que là, dans un jeu, j'ai eu le sentiment, c'est aussi un signe de l'industrie qui est de l'époque, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression que dans un même jeu, il y avait déjà tous les contenus additionnels que d'habitude les jeux étalent sur je ne sais pas combien de mois ou d'années après la sortie du jeu. J'ai l'impression que tout était déjà dedans. Et est-ce que vous savez quelque chose sur la fatigue de ces développeurs? Parce que même si le jeu il travaille dessus depuis des années, il est vraiment bourré à craquer en fait. Ouais, ben de toute façon, on le sait, hein, il y a eu des retours qui datent de plusieurs années d'un site qui s'appelle Glassdoor, qui est un site en fait qui permet de manière anonyme aux employés de l'industrie du jeu vidéo de faire état de leur ressenti sur les entreprises dans lesquelles ils et elles passent. Et donc effectivement, de toute façon, il suffit de jouer au jeu, c'est-à-dire que quand on marche, on entend les os des développeurs craquer sous le poids du truc, parce que même si ça fait plus de 6 ans qu'ils travaillent dessus, le jeu a ce qu'on appelle un scope, c'est-à-dire une ambition ambition qui est tellement vaste, qui est tellement au-delà de ce qu'il peut faire. C'est vraiment, c'est comme si demain, là, nous tous autour de la table virtuelle, parce que moi je suis pas en studio, on se disait on va construire une pyramide, voyez, et on va pas demander d'aide à qui que ce soit. C'est un peu ça qu'ils se sont posés comme challenge. Ils se sont dit bon bah on est un petit studio japonais qui certes a le vent en poupe, mais là ils se sont attaqués à beaucoup plus gros qu'eux. Et clairement, bah on le sait. De toute façon, l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui fait travailler les gens beaucoup plus que de raison. Et là, Elden Ring n'est pas du tout une exception à cette idée-là. Et ils sont, c'est une équipe qui s'estime à combien de personnes à vue de nez ? Alors, dans les crédits, c'est un peu particulier parce qu'il faut savoir que tous les gros jeux comme ça, ils font appel à énormément de studios qui vont les aider, qui vont faire un peu de sous-traitance. Donc, From Software en eux-mêmes, de mémoire, dans les crédits, ils sont quelques centaines. Dans les faits, c'est plusieurs milliers de personnes qui ont travaillé sur le jeu parce qu'il y a des entreprises d'Asie, il y a eu en France, ils ont tourné certaines cinématiques, ils les ont tournées à Paris. Enfin, il y a eu vraiment des endroits du monde entier qui ont été utilisés pour créer ce jeu. Mais le studio en lui-même, ouais, c'est quelques centaines de personnes. Juste une centaine de personnes. Ouais. Enfin, quelques centaines. Oui, quelques centaines. Plus le chiffre exact en tête. Oui, donc c'est quand même assez impressionnant. Et alors, il y a évidemment l'immensité de la carte, mais il y a aussi la personnalisation des châteaux que l'on peut visiter, des armures, des ennemis qu'on peut combattre. On a l'impression qu'il y a une civilisation, à chaque fois une culture différente en fonction de l'adversaire que l'on a. Les albinoriques, l'ordre d'or, les sorciers avec des masques de pierre, les pierres d'éclat, etc. Et puis, il y a des influences, on est clairement dans l'univers de la dark fantasy. Et puis évidemment, on peut pas passer sous silence, une fois de plus, les énormes hommages rendus à Berserk. Comment ils ont réussi en fait à créer une sorte de syncrétisme harmonieux entre tous ces univers, Arnaud? Oh bah j'en ai aucune idée de comment ils ont fait. En tout cas, clairement, les inspirations sont là. Enfin, tu mentionnais Berserk, quand t'as les cimetières d'épées géantes, oui. Par exemple. Moi, je l'ai même pas encore fini parce que j'ai beaucoup de retard là-dessus. Mais il y a même l'épée de Guts. Depuis longtemps. Mais après, c'est plein d'éléments de dark fantasy, enfin de bande dessinée, mais aussi de peinture, mais qui vont parfois chercher même dans l'architecture en fait ancienne gothique d'Europe de l'Est. Enfin, il y a notamment un vidéaste qui s'appelle Alt236 qui a fait une excellente vidéo sur les inspirations de Dark Souls, et je pense que j'espère qu'il pourra faire le même travail sur Elden Ring, mais après c'est d'une richesse en fait. Et à ma modeste personne, en fait, j'arrive même pas à savoir qu'est-ce que je suis en train d'ingurgiter quand je joue à Elden Ring. J'arrive pas à savoir en fait qu'est-ce qui provient de quoi, parce que même c'est vrai qu'on a dit Poudlard juste avant, mais peut-être que même que Harry Potter, sûrement une influence évidente. Mais tout à l'heure, quand j'ai passé l'histoire sans fin, en parlant pendant la chanson, effectivement, il y a aussi énormément de similitudes. La tortue, Carole Quintaine parlait de la tortue, les marais, il y a des même à un niveau inconscient, on sent que l'idée même de la fantaisie a infusé en fait. Il y a énormément d'inspiration effectivement, et c'est très difficile de savoir toutes les inspirations qu'ils sont allés chercher, mais ils sont allés chercher loin, ils les ont savamment mélangées, mais tout correspond, tout semble effectivement naturel. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de très travaillé dans les moindres petits détails, avec des identités bien différentes selon les régions où on va, les boss qu'on va affronter, les maisons, les familles, on en parlait tout à l'heure. On parlait de la tortue par exemple, qui est un magicien en fait, chez qui on va pouvoir acheter des sorts. Une tortue géante avec un petit chapeau de roi. Un chapeau de prêtre, je crois que c'est un prêtre, si je ne m'abuse. Et on a aussi ces tortues, ces espèces de tortues géantes qui sont faites des sanctuaires, où on va pouvoir aller dupliquer les runes majeures, avec ces sons de cloches incroyables. Il y a ce côté très dantesque aussi. Vous venez de me dire qu'on peut monter dessus ? Ah oui. Ok, d'accord. Voilà, je viens spoil. Mais c'est ça qui est génial. J'en suis à 150 heures. Non, mais je suis jamais monté. Dès que je vois ces tortues géantes, je me dis, je me casse, moi. Mais c'est fantastique ce que tu es en train de dire. Parce que ça prouve encore une fois, et ça, je ne l'ai ressenti que sur Zelda Breath of the Wild. Mais ça change quelque chose quand on va dessus. Oui, tu vas pouvoir faire ce que je viens de dire, mais je ne vais pas le dire. Comme ça, tu l'oublies très très vite et je n'ai pas spoilé. Mais au bout de 100, 150 heures, 200 heures de jeu, tout comme Breath of the Wild, tu découvres encore des trucs. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu descends effectivement la Siofra. c'est ce lieu hein, qui est sous la Terre et qui est aussi gigantesque que le monde du dessus, tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter où ? Hier, je jouais, je suis à 140 heures de jeu, j'ai encore découvert un lieu que je n'avais encore jamais vu. C'est fantastique. Va me taper ces tortues, bah oui, bah voilà, Fred. C'est que même après une centaine d'heures de jeu, tu te dis, tiens, je suis pas allé au fait à côté de cette cascade. Tu t'aperçois qu'en fait, il y a un énorme dragon qui t'attendait c'est là-bas. Ça. Et, c'est ça. Et je pense que même quand t'as terminé le jeu, en fait, il y a un intérêt sûrement à aller explorer tes derniers points de cartes pour aller voir si t'as pas loupé quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a un truc vraiment qu'il faut souligner sur la verticalité de ce monde et toute la partie inférieure en fait sous tout le monde. Parce que quand tu découvres la Siofra, c'est une première chose. Enfin moi, je sais que c'est ce qui me restera jamais comme le souvenir du jeu. Mais en fait, il y a d'autres zones souterraines. Oui. Et encore une autre. Et encore, une autre. Encore différentes. Et les ambiances à chaque fois sont vraiment complètement dantesques. Ouais. Et c'est ouf d'avoir fait ça. Exerve. Moi, je voulais revenir sur cette histoire d'inspiration. En fait, il faut savoir qu'Hidetaka Miyazaki, c'est vraiment un énorme consommateur de fantasy dans les livres depuis toujours. Il est fan notamment de tous les livres dont vous êtes le héros. J'ai eu l'occasion de l'interviewer à plusieurs reprises et c'est des choses qu'il mentionne régulièrement. Et c'est vrai que, en fait, il s'inspire de tous ces trucs-là. Ils essayent à chaque fois de faire une sorte de pot-pourri de toutes les inspirations. Et en gros, ils chapotent vraiment chaque aspect du jeu visuel pour que ça colle à peu près à l'ensemble. Et comme, en fait, tout est bien identifié et appartient effectivement à une région, etc., ça permet d'avoir des associations qui sont parfois un peu incongrues, mais qui, dans les faits, fonctionnent parce que l'ensemble, finalement, est plus important que le petit truc dans le détail, quoi. Et il y a tellement... De toute façon, si vous regardez des peintures, vous ouvrez des bouquins de Gustave Doré ou de choses comme ça, vous allez forcément retrouver des choses qu'on croise dans Elden Ring, quoi. Et Exerve, dans Elden Ring, il y a ces rencontres avec ces nombreux boss, hein. Je vous ai entendu dire 150 boss et dont 12 véritablement indispensables. C'est toujours des moments rares, ces rencontres avec ces boss. C'est un petit peu comme des sortes d'évaluations, d'examens qui vous tombent dessus comme ça et vous en êtes où, alors, globalement dans le jeu. Et quelle est la rencontre avec un boss qui vous est resté en tête encore aujourd'hui ? Eh ben c'est bien ça mon problème avec Elden Ring, c'est que j'en ai pas. C'est-à-dire que, au contraire, les rencontres avec les boss, elles sont tout sauf rares. Il y en a partout. Quand on croise un dragon la première fois, on se dit waouh, un dragon. Quand on en est à son 8e dragon, on est là waouh, un dragon. Donc c'est vrai que il y a un côté malheureusement buffet à volonté. En fait, dans Elden Ring, c'est-à-dire que c'est eat all you can, c'est vraiment, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais il y en a tellement. Il y a quelques boss, bien sûr, mais je vais pas mentionner leur nom parce qu'on les croise en fait très très tard dans le jeu. Il y a quelques affrontements qui sont vraiment impressionnants, mais j'ai pas retrouvé cette espèce de relation que j'avais avec les anciens boss des anciens jeux, justement parce que ils sont souvent... La plupart, en fait, on les retrouve plusieurs fois. Et au bout d'un moment, le jeu est tellement grand que on avance. Bon, tiens, on vient de tuer un dragon. On vient de retuer un dragon. Et donc, voilà. Il y a moins, malheureusement, ce côté-là. Je pense que pour des personnes qui découvrent le jeu et qui découvrent les jeux From Software pour la première fois, vous allez vous faire des souvenirs pour toute votre vie. Donc, ça, c'est génial. Mais c'est vrai que moi, en tant que vétéran de la série, des jeux From Software depuis, comme Arnaud, depuis une douzaine d'années, j'ai pas retrouvé ce truc-là avec certains boss. Il y en a, ils sont très anecdotiques, malheureusement. C'était une petite folie. Ouais. Ce serait le syndrome Dark Souls 2, en fait, où à force d'avoir trop de boss, il y en a qui n'arrivent pas à marquer les esprits. Et c'est vrai que sur la répétition, c'est vrai que les dragons impressionnent plus du tout, sauf un certain dragon, à mon sens, à deux têtes, on va dire. Mais après, de mon côté, il y a quand même certaines rencontres qui restent. Et pour moi, c'est le général Radahn. Oui, j'ai déjà cité. Pour moi, Radahn, c'est le moment. En termes d'écriture dramaturgique, c'est épique. Ouais, c'est ça. Et non seulement le boss est fou en termes de tout ce qu'il peut te faire et comment il te roule dessus, mais moi, j'ai toujours adoré l'entraide dans les Souls. Et en fait, le fait que dans ce combat, tu peux littéralement invoquer presque une dizaine de participants et que ça fait du coup une battle. Bon, tu comprends rien ce qui se passe, mais du coup, t'as vraiment 10 petits gars qui s'écharnent contre un type gigantesque qui fait tout et n'importe quoi. Qui fait plier le cheval qui le porte. Ouais, c'est ça. Et j'ai pensé évidemment à Ken. À ce fameux Rao dans Ken le survivant, avec ce casque énorme qui est sur ce cheval, sauf que là c'est démesuré. En fait, c'est la dimension épique qui est encore plus. Et la manière dont c'est amené aussi, l'écriture, c'est vrai que c'est un boss très impressionnant. Moi, c'en est un autre qui m'a beaucoup marqué, un boss féminin dont je ne citerai pas le nom. Oui, voilà, et qui m'a énormément marqué parce que j'y ai passé 5 heures en stream, 5 heures quoi, dessus. Et quand je l'ai eu, j'avais envie de pleurer. Magnifique, sublime. incroyable la manière dont c'est raconté aussi, l'introduction en fait. Je trouve que c'est toujours l'introduction. Oui. Et c'est marrant parce que c'est un boss qui est pas forcément impressionnant en termes de taille, mais... Elle te roule dessus, quoi. Elle te roule dessus tellement que t'as envie de dire... Il faut dire qu'il y a des mécaniques de jeu. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et elle te répète la même phrase tout le temps, tout le temps. Oui. T'as envie de dire, ok, tu vas te taire, là, parce que ça commence à bien Exerve, faire. Exerve, et puis après, on posera la question à Dite. Exerve. Oui, pardon, désolé. Du coup, je disais qu'effectivement, c'est ce boss-là dont je parlais tout à l'heure, qui est le très loin, le plus difficile, qui nous est jamais sorti. Celui dont je parle, c'est ça, Isa ? Oui, voilà. Ouais. L'âme de Michaela. C'est ça. Qui n'a jamais connu la défaite. N'est-ce pas ? Mais voilà, elle arrive tellement tard. Donc, c'est oui, pour ça que je ne voulais pas la citer comme boss marquant, parce que bien sûr, elle est marquante. Les boss de fin, ils sont aussi incroyables. Mm-hmm. Mais voilà, la plupart des gens ne les verront peut-être jamais. Donc, je ne voudrais pas spoil quoi que ce soit, quoi. Dites, alors je sais que vous avez choisi de vous compliquer la vie de manière, et donc forcément il y a peut-être moins de boss dans la besace, parce que avec un cure-dent et au corps à corps, bah forcément c'est plus compliqué, mais est-ce qu'il y a déjà eu une rencontre vraiment marquante ? Là, j'ai dû me boucher les oreilles à multiples reprises parce que c'était là, oh non, le spoil. C'est horrible. Donc, bon, voilà, mais je m'étais déjà fait spoiler sur Internet à la fin du jeu, donc c'est parfait. On n'en est pas là. Ouais. Ouais, il y a pas de boss qui m'ont marqué vraiment très fort. Après, globalement dans les Souls, je suis pas. Enfin, c'est assez rare que j'ai un boss qui me marque par son entrée ou je sais pas. Je les apprécie tous pour différentes raisons. Et moi, à l'inverse d'Exerve, comme je suis encore au début du jeu et que c'est encore tout dans la découverte, je suis encore bon public de ça et je suis plutôt satisfaite en fait de ce que je vois dans Elden Ring, parce que j'ai rencontré des boss très différents pour le moment, même si j'ai compris qu'effectivement on allait en rencontrer plusieurs fois les mêmes, etc. Mais je les trouve très cool et ouais, très contente, parce que le dernier Souls que j'ai vraiment fait, c'est Dark Souls 3, et j'en avais marre en fait, parce que j'avais l'impression de rencontrer tout le temps les mêmes boss. C'était tout le temps des humains hyper, enfin avec une grosse armure qui nous ravageait à chaque fois qu'on les voyait. Enfin, j'en pouvais plus. Et là, je les trouve très divers les boss, et j'aime bien. Et le dernier boss que j'ai croisé, il m'a un peu surpris quand même, parce qu'en fait, on le croise suivant, comment le dire sans le spoiler. Mais il y a besoin d'une chose dans le jeu pour le croiser, en fait, sinon on le voit pas. Et je suis tombée sur lui totalement par hasard et j'ai été assez surprise. Et en plus, il est il se la pète un peu quand il arrive, et je trouve qu'il est assez cool. Donc il y a quand même des événements marquants, et je suis contente que les Souls renouent avec ce côté où on a des boss très divers. Ça m'avait fait ça en fait dans Dark Souls 1. Ça a été vraiment mon Souls qui m'a le plus marqué sur les boss, parce que je les trouve tous très différents, les boss, très surprenants en fait. On va tomber d'un loup géant à un papillon géant, enfin c'est n'importe quoi. Et je trouve qu'il y a un petit peu de ça qui revient dans Elden Ring, et j'aime beaucoup. Mm-hmm. Arnaud Tomassini ? Ouais, rajouter juste un petit point aussi sur une forme de dimension un peu cosmique aussi qu'on retrouve dans Elden Ring, qu'il n'y avait pas forcément dans les autres Dark Souls, qui étaient très centré sur la fantasy, et qui moi m'a rappelé aussi ce qu'a pu faire Bloodborne avec certains ennemis qui clairement, enfin parce qu'il y a aussi une dimension, enfin parce que tout le délire du cercle d'or et de cette il y a une grande volonté en fait qui, quand on s'intéresse vraiment au lore en fait, vient d'ailleurs, et il y a toujours cette dimension un peu Lovecraftienne qu'ils ont réussi à ramener dans ce contexte de fantasy. Donc t'as certains boss, et même l'un des boss de fin en fait, qui est clairement plutôt une forme de créature céleste, et qui permet d'ajouter à la fois à cette diversité, mais aussi de donner une grandeur supplémentaire en fait, un palier d'échelle supplémentaire. Oui, il y a d'autres stratèges dans le monde d'Elden Ring qui manipulent les événements à une autre dimension. À une autre dimension. Et ici, en fait, il y a un truc qui est très important. Vous voyez, il y a une racine de l'arbre-monde, ça s'appelle. Donc, l'arbre-monde, c'est ce truc gigantesque que vous verrez en permanence tout au long du jeu. Et de temps en temps, il y a des petits arbrisseaux comme ça. Et au pied, en général, vous allez trouver des graines dorées, donc qui sont les objets dont vous avez besoin pour augmenter la quantité de fioles que vous utilisez. On va s'en aller. Là, vous allez avoir des loups qui apparaissent, vous pouvez les ignorer. Mais hop, ils apparaissent depuis le ciel. Quand vous voyez un site de grâce, moi je vous recommande de l'activer avant tout, parce que du coup ça vous permet de vous reposer, et surtout de débloquer le point de téléportation. Il n'y a pas de moment où vous allez croiser un ennemi et si vous ne le tapez pas, il va disparaître. Les loups, là, ils réapparaissent à chaque fois que vous allez revenir ici. Parce qu'en fait, on peut se téléporter, vous voyez, très facilement. On peut se téléporter gratuitement d'un site de grâce à un autre tant qu'on n'est pas en combat. Hop, ici, il y a une clé lame-pierre. Bon, c'est toujours pratique à récupérer. Et vous avez également un premier PNJ avec lequel vous allez pouvoir discuter. Je vous laisse discuter avec elle pour voir un petit peu ce qu'elle veut. On aura l'occasion de la croiser plus tard, vous inquiétez pas. C'était un extrait d'un des guides d'Exerve, un des excellents guides d'Exerve. Alors déjà, de manière personnelle, je tiens à saluer le ton. Et le ton posé et calme d'Exerve. Voilà, j'écoute Exerve dès que je suis un peu stressé. Voilà, voilà, parce que tout de suite, j'apprends à être mesuré. J'ai vraiment l'impression d'avoir une sorte de maître Yoda qui ne dit pas son nom et qui rend toute expérience des jeux From Software et bien beaucoup plus mesuré. J'ai eu l'impression en jouant à ce jeu, entre les messages de la communauté qui peuvent apparaître quand on joue en ligne, vous dit attention, là il y a un danger. Alors il y en a aussi énormément qui font des blagues en disant objet droit devant, alors qu'en fait il y a rien. Menteur, voilà, droit menteur, devant. Menteur droit devant. Enfin bref, mais il y a aussi toutes ces quelque part cette communauté à l'extérieur du jeu qui créer du contenu, des tutoriels, dans une idée de partage, et qui consacre quand même des heures pour faire votre guide qui n'est toujours pas achevé, Exerve. Vous y passez combien de temps? Beaucoup. Là, d'après Steam, j'ai un peu plus de 240 heures de jeu sur Elden Ring, sachant que je dois en passer à peu près l'équivalent en extérieur pour faire le montage des vidéos, me renseigner. Bon, après, je me renseigne beaucoup en jouant, en fait. Je fais surtout beaucoup de jeux. Je l'ai fait une ou deux fois avant de lancer les vidéos. Et de toute façon, c'est mon travail, donc j'y consacre l'équivalent d'un temps plein et demi, voire deux, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, quand même. Non, mais est-ce que les gens, ils disent... Enfin, à ma décharge, c'est des jeux comme ça, il y en a un tous les 10 ans qui sortent. Les jeux From Software, celui-là, ça faisait quand même 5-6 ans qu'on l'attendait. Donc forcément, j'allais être présent et répondre à l'appel du truc parce que je savais que... En fait, je m'attendais bizarrement à ce que la discussion autour de la difficulté revienne parce que c'était malheureusement un marronnier à chaque fois. Et là, ça n'a pas été le cas parce que justement, beaucoup de gens comme Carole, comme Julien aussi, qui était venu me faire coucou, oui. Ça m'avait fait rigoler, Julien Chiez, oui. Son compagnon qui était venu me faire coucou alors qu'il n'aimait pas non plus ces jeux-là. Voilà, plein de gens ont pu découvrir ces jeux, donc j'ai repris mon petit chapeau habituel et je me suis dit je vais refaire des vidéos pour rassurer les gens et leur dire que tout va bien se passer, quoi. Arnaud, que dire de cette communauté qui pour moi fait partie intégrante de l'expérience des jeux From Software, hein, c'est-à-dire que il y a des employés From Software qui ne sont pas officiellement employés par eux mais qui en font partie quand même. Non mais elle est fantastique et sur plein d'aspects différents parce que t'as des forcément t'as un contenu vidéo mais t'as plein de vidéastes qui vont te faire des guides pour t'aider, donc Exerve en France c'est le must à mon sens. Il y avait un mec qui s'appelait Epic Name Bro qui faisait ça sur les premiers From Software aussi il y a quelques années, qui a un peu laissé tomber, mais qui parfois t'es même pas obligé de tout regarder, mais parfois juste un élément, un détail peut te permettre de reconsidérer totalement ta façon de jouer et te permettre de progresser sans en avoir besoin. Donc c'est vraiment à regarder comme ça. Puis à côté, t'as toute une communauté qui se développe aussi pour t'aider à comprendre l'histoire et le lore. Il y a des vidéos d'analyse et de décortiquage en fait qui sont vraiment excellentes parce que t'as pas forcément le temps de t'intéresser à tout. Peut-être que tu vas louper des détails. T'as aussi toute une communauté qui se développe après sur, on va dire, sur des choses qui sont plus du défi technique comme le speedrun notamment. Enfin, je sais que moi personnellement j'adore regarder des gens qui arrivent à finir Elden Ring à l'heure actuelle en faisant tous les boss. Enfin, tous les boss les plus importants en 1h40, alors qu'a priori en 1h40, toi t'as rien fait encore. Donc il y a vraiment en fait plein de façons d'aborder le jeu en dehors lui-même du jeu, c'est-à-dire que tu peux passer autant de. En fait, il y a même des fois où je sais que parfois j'attendais en fait que Exerve sorte ses vidéos pour le regarder limite faire le jeu avant de le faire moi-même, parce que je pense que t'as même une façon différente de regarder quelqu'un faire puis d'expérimenter par toi-même et que t'es même pas forcément. Spoiler du plaisir de pouvoir faire les choses par toi-même, donc ça te permet d'avoir une double vie dans le jeu et en dehors que je retrouve pas sur beaucoup en fait d'autres productions dans vidéoludique. Et on découvre en plus des talents de narration qui sont évidents chez Exerve, mais j'ai vu beaucoup de vidéos. On n'a pas forcément le même ressenti par rapport à une vidéo d'un joueur qui vous explique comment négocier telle ou telle difficulté. Il y a une manière d'écrire, une manière d'exprimer, de rendre le passage fluide. Et je trouve que c'est assez révélateur aussi de nombreux talents de voix. On est sur un média de radio où justement la voix a son importance. Et via un jeu comme ça, je trouve qu'on fait de très très belles découvertes sur le futur des voix de radio peut-être. Si un décideur embauché Exerve, parce qu'il a une voix radiophonique qui fonctionne très très bien, très très bien. Carole, vous avez aussi vous êtes jeté à corps perdu dans ces vidéos, cette communauté. Alors moi j'aime beaucoup découvrir par moi-même, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de le faire en stream. Alors j'avais pu, tout comme Exerve, effectivement toucher au jeu un petit peu avant, donc je m'étais dit oh là là, je pense que ça peut me plaire vraiment et que je peux réussir à avancer. Et en fait très rapidement, quand on a sorti les premières vidéos, qu'on a pu commencer à streamer, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est vraiment merveilleuse et qui m'a donné beaucoup de conseils sur mes streams. Et en fait avant, quand je disais que voilà, j'étais pas douée, il y avait beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux, tout ça, mais en fait je me suis rendu compte que la vraie communauté From Software, elle se moque pas, elle veut t'aider, elle donne des conseils. Et j'ai rencontré donc plein de gens de la communauté, de vrais joueurs comme Exerve, comme des gens vraiment très c'est vraiment leur truc, c'est des pros, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, qui sont venus sur mes streams, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné des astuces. Et aujourd'hui très clairement, alors j'ai aussi joué en coop etc, mais je veux dire, c'est, je pense qu'ils ont une grande part de responsabilité dans le fait que j'ai pu finir Elden Ring. Et même là, je suis sur Demon's Souls, ils me donnent des conseils, fais ça. Mais c'est génial, c'est absolument incroyable. Pour moi, c'est une vraie expérience communautaire, Elden Ring. Puis même dans le jeu en lui-même, il y a le système des messages pour donner des indications. Mm-hmm. Le fait que parfois tu vois des messages d'envie, te dit ah, peut-être qu'il y a un pont invisible qui arrive par là. Donc il y a plein de choses en fait qui peuvent t'aider à progresser. Et même moi, j'ai des souvenirs émus presque en fait d'aller sur des forums de façon totalement au hasard et des gens qui disent moi je suis dispo à telle heure pour t'aider ou pour te filer un objet qui te manquerait pour avoir ton trophée qui te manque par exemple. En fait il y a vraiment cette dimension de en fait non, vous êtes jamais tout seul. C'est ça, et les messages sont même touchants parfois, et même après je me faisais plaisir à laisser des messages en disant tout d'abord bravo, et quand ils applaudissent tes messages en plus ça te redonne un peu de vie déjà, donc ça c'est cool. Et à chaque fois qu'on me disait que mon message avait été applaudi, j'étais contente, je me sentais faire partie d'une communauté. Et jouer en coop aussi, c'est exceptionnel, j'ai joué avec un pote youtubeur Bugland qui m'a beaucoup aidé aussi, qui m'a dit allez on va faire ça, qui me servait un peu de guide aussi. Mais quel merveilleux moment, enfin j'ai tout aimé dans ce jeu, tout aimé. Dites, quel est votre avis sur la communauté? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que on lit souvent sur des réseaux sociaux que la communauté des joueurs de From Software serait un petit peu jusqu'au boutiste, élitiste. Ouais, mais de toute façon, t'es pas une vraie, t'as utilisé de la magie, t'as utilisé une invocation, lâche ta affaire, rentre chez toi. Et en fait, c'est vrai j'ai rencontré beaucoup plus de gens bienveillant, qui t'accompagne, qui t'aide. Quel est votre point de vue là-dessus ? C'est vrai que j'avais entendu ça sur la communauté des Souls, et en fait j'ai rencontré quasi personne qui était dans cette mentalité à se moquer ou à dire qu'il fallait le faire d'une certaine façon. Après j'ai une approche un peu particulière du jeu et je me protège énormément sur ça parce qu'en fait, moi, j'aime découvrir les jeux toute seule. Je ne suis pas du tout consommatrice de guides, de tutoriels. Je ne me fais pas aider. Quand je suis en stream, je suis insupportable. Enfin, il ne faut rien dire. Il ne faut me donner aucun conseil, aucune astuce. Je pense que c'est dur à suivre pour certaines personnes. Mais voilà, je me protège énormément de tout ça. Mais malgré tout, voilà, en stream, il y a des gens qui jouent à ces jeux-là, qui font partie de la communauté, et ça a toujours été des gens qui étaient plutôt là pour encourager, qui avaient envie qu'on s'amuse en fait. Et même moi, je le retrouve, même si j'ai ce côté hyper compétitrice en fait dans les Souls, et c'est comme ça que je vis la communauté, on va dire, en me mettant en compétition avec les gens qui sont sur mon stream, en disant ah, je l'ai battu avant toi et tout. Bon, voilà, on s'amuse comme on peut. Non, mais c'est très bien. Ouais, mais moi aussi, je ressens cette chose-là, en fait. J'ai envie que les gens, ils aiment les Souls. Et voilà, jamais je vais aller me moquer de quelqu'un qui a tué un boss différemment, etc. Et c'est vraiment cet engouement où on a envie que tout le monde réussisse, en fait. Et je pense que peut-être les gens qui, s'il y a des gens qui se moquent, je sais pas, il faut pas leur prêter trop d'attention, il faut les laisser dans leur coin. Peut-être qu'ils ont des choses à se prouver, je ne sais pas. Mais je pense quand même que la grosse majorité de cette communauté qui ressort, c'est quand même des gens qui aiment profondément les Souls et qui ont envie que d'autres personnes les aiment. Et c'est vraiment beau, quoi. Je trouve ça vraiment chouette. Je suis d'accord. Attends, vas-y. Il m'a embarqué avec lui, je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Putain, il faut pas que je meure là. J'ai plus de soins, je n'ai plus de soins. Ouais, là je suis pas loin, je sais, mais là c'est chaud. Je sais pas si vous voyez ce qu'il est en train de me faire. Ah, saute, Carole, saute, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh non. Il a tué mon bébé en plus. Il a tué mon bébé. Pff, dommage. Ouais, j'avais pris la fiole sacrée. Salut Bob, merci beaucoup. Ouais, j'étais trop loin. Là, j'y étais presque. Par contre, il y a eu un truc à un moment où j'étais... Il m'a entraîné avec lui. En fait, je lui ai mis plein de dégâts. C'est trop bien. Ah, c'est chaud. On est bon. Ouais, je lui ai fait mal à un moment donné. Tu regardes pas assez le boss, tu spams sans faire attention. Quand il te reste un peu de magie que tu peux utiliser, tu bois direct une potion qui te redonne toute la magie, donc tu gâches une potion. Ouais, t'as pas tort. Ouais. Bon, je prendrai ma potion après. Ok. Quand j'étais plus jeune, je regardais Rocky et le moment où Mickey, l'entraîneur de Rocky, lui donnait des conseils pour affronter son adversaire. Et j'ai l'impression, en vous écoutant, Carole Quentin en train de se battre contre des boss d'Elden Ring et coaché par toute la communauté, qu'il y a un peu de ça aussi. Ah ouais, il y a totalement de ça à chaque fois. C'est incroyable parce que donc t'envisages ton boss, tu le fais à ta manière et puis petit à petit, au fur et à mesure des streams, parce qu'à chaque fois, donc je commençais à 21h et je finissais à 5h du matin à peu près. donc t'es ravagé. C'est un long stream. C'était une long stream et t'es avec eux, tu le vis ensemble. Et c'est ça qui est exceptionnel. Tu vis en fait un moment avec toute ta communauté, tous tes potes en fait qui sont là. Mais fais ça, ils connaissent mieux que toi. Puis tu commences aussi à avoir un peu de la bouteille sur le jeu. Donc prends cette potion, fais ça. Et je me souviens très très bien de la portion qui a été sélectionnée là. C'était contre un dragon, mais je ne citerai pas, mais qui arrive tard aussi. Et je me souviens que c'était extrêmement dur. Et en fait, je suis du style, si je commence un boss, même si c'est minuit, je ne quitte pas le stream avant de l'avoir battu. Et quand je l'ai battu, celui-ci, mes mains tremblaient, mon cœur battait très très fort. En fait, je me souviens qu'à chaque fois que j'ai battu un boss, je l'ai senti avant dans mon corps. C'est-à-dire que mon corps a senti que j'y arrivais, mon cœur battait. T'as une accélération, tu sais que tu vas le faire. Surtout quand on voit la barre de vie qui descend. C'est et ça. Effectivement qu'un tout petit morceau. C'est ça. Et ta communauté, tu sais qu'au moment où tu vas le battre, tu vas voir tous les GG dans le chat, tous les petits cœurs. Bravo, c'est ça, good game, tu l'as fait. Et je trouve que c'est encore plus fort parce que toi, t'as ta satisfaction, t'en trembles. Hier, j'ai failli pleurer par exemple, hein, j'ai battu une araignée cuirassée. Là sur Demon's Souls, j'avais envie de pleurer. Et t'as ta communauté qui est là, et c'est magnifique. Effectivement, t'as envie de leur faire plaisir comme tu ferais plaisir à ton coach Mickey. Regardez les amis, je l'ai fait avec vous, je l'ai fait devant vous, c'est magnifique. Arnaud ? Ah bah les tremblements, c'est clairement, ça dépend de ton implication dans le jeu, mais c'est clairement une manifestation physique que tu ressens. Et puis il y a toujours ce moment aussi où il te reste vraiment plus grand chose, et t'es partagé entre l'idée de dire faut que j'attende le bon moment pour pas me faire avoir au dernier, enfin par un coup que t'as pas anticipé, et l'envie de te précipiter aussi pour dire c'est bon, j'y suis maintenant, c'est la fin. Et que moi je vois pas aussi combien de fois en fait où c'est ça, tu échoues juste parce que t'as fait l'erreur qu'il fallait pas faire sur la fin, et donc là, et ce sentiment de frustration, puis après l'accomplissement qui arrive, enfin, et qui est forcément multiplié selon de la façon dont tu joues, quoi. C'est sûr que quand tu le fais avec un mage ultra cheaté et trois autres personnages, c'est pas la même chose que quand tu le fais tout seul au bout de 6 heures de jeu, mais t'es quand même content, en fait, t'es toujours content, et je pense que les gens qui reviennent, même pour se faire rouler dessus aussi à chaque fois depuis 10 ans, c'est parce qu'ils savent en fait ce qui se cache derrière chaque combat, chaque affrontement, et que ça, t'as envie, en fait, tu kiffes, c'est de l'adrénaline vraiment. Bah, on en parlait hors antenne. Moi, je me souviens très très bien d'un affrontement contre un dragon qui délimitait, qui empêchait l'accès à une autre zone, et que j'ai terminé avec une absence de potion. J'avais plus de vie, plus de magie, et j'avais que des dagues. Et je courais et je lançais ma dague. Horrible. Je courais, je lançais ma dague. Et vraiment, je disais, bon, de toute façon, je vais mourir, mais bon, c'est rigolo de faire ça. Et en fait, il est mort avec ses dagues. Et je pense qu'il y a, dans Elden Ring, je dois être un des joueurs avec le moins de victoires glorieuses. Mais il n'y a pas de victoires glorieuses. Il est mort. Moi, je suis en vie. Mais effectivement, à chaque fois, c'est des trucs où j'éclate de rire tout seul. Et c'est effectivement très nerveux parce que c'est... Si jamais c'était un film, ça serait tout sauf un climax, parce qu'on dit là c'est pas possible, on peut pas terminer un boss de fin avec tiens une dague, mais t'es quand même survivant. Et c'est ça qui est beau, il n'y a pas de petite victoire en fait, et tu as pris du plaisir et tu as cette satisfaction quand même. Et ce qui est super intéressant, c'est l'évolution. Enfin, moi, je ne sais pas autour de cette table virtuelle comment vous l'avez vécu vous tous, mais moi, par exemple, j'ai commencé à la magie, évidemment, j'ai pris astrologue parce que voilà, c'était la sécu, machin, tout ça. Et au bout de la, je sais pas, du niveau 100 peut-être, j'ai commencé à jouer qu'au corps à corps. Et je m'en sentais, j'aurais jamais cru que j'aurais été capable, mais en fait, tu apprends, puis après, tu te lances des défis, effectivement, et j'ai quasiment fait plein de trucs tout au corps à corps à la fin, et j'étais trop trop contente parce que j'ai commencé magicienne et j'ai fini guerrière, quoi, enfin voilà, chevalier, et ça c'est extrêmement satisfaisant aussi. Oui, parce qu'il y a aussi cette possibilité on n'en l'a pas encore évoqué, mais en cours de jeu, de complètement changer sa classe de départ, de réaligner ses statistiques pour aller dans une direction complètement opposée à celle qu'on avait choisie au départ. Il y a ces dimensions de classe aussi qu'on n'a pas évolué, qui permettent de créer des builds, des schémas de statistiques très différents. Ouais, d'ailleurs, c'est pas vraiment des classes, et ça, je trouve ça bien, parce que la traduction en français l'a bien expliqué. En fait, quand on crée son personnage, on choisit son origine. C'est-à-dire que c'est vraiment qui on est au moment où on débarque dans l'entre-terre. Mais après, ce qui se passe par la suite, c'est très libre. Il y a pas d'objets qui sont réservés à une classe ou quoi que ce soit. Donc le jeu là-dessus est très très libre, et c'est super agréable justement de ressentir cette envie de changer d'approche, parce que le jeu de toute façon, il est tellement long, tellement grand, on trouve tellement d'objets, ça serait dommage de se limiter au petit bâton qu'on nous donne au tout début du jeu. Donc on a forcément envie de changer des choses, et là-dessus ils sont assez généreux, hein. C'est quand même, ça arrive assez tôt dans l'aventure qu'on puisse changer, complètement, de renaître, ça s'appelle, de changer son personnage. Et un truc que je voulais revenir sur l'expérience qu'a donné Carole, c'est l'idée que effectivement, quand on commence à jouer, enfin moi, la première fois que j'ai joué à Demon's Souls, il y a plus de 12 ans de ça maintenant, c'était ça, j'étais caché derrière mon bouclier à donner des petits coups de lance tout discret, et puis au bout d'un moment on joue tout nu avec un couteau dans chaque main, et en fait on a une progression énorme. Alors dans le jeu, je précise aux auditeurs, c'est dans le jeu. Des déviants sur le jeu vidéo. Vous rendez compte, ils jouent tous tout nu avec des couteaux. C'est ça l'esprit Elden Ring. C'est la bataille. De toute façon, ça rend violent les jeux vidéo, c'est connu. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment de progression qui est super agréable, où on se sent, nous, apprendre. Vous voyez, on apprend des choses avec ce jeu, et je pense que c'est ça un des trucs qui fait qu'après toutes ces années, on a envie de y revenir et qu'on prend plaisir à redécouvrir les nouveaux jeux From Software. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Alors évidemment, le jeu est sorti, on a eu l'occasion de d'y jouer, d'en parler longuement, on a parlé de l'aspect découverte, de l'aspect communautaire, collaboratif, etc. Maintenant, parlons du futur. Est-ce que vous pensez déjà quel va être le futur de l'industrie du jeu vidéo à partir de la sortie du jeu Elden Ring ? Parce que j'ai déjà l'impression qu'il y a une sorte de rayonnement qui dit pas son nom dans les discours de certains autres éditeurs, parce qu'il est quand même sorti dans une période où il était face aussi à d'excellents jeux. Il y a le nouveau Horizon Dawn qui était sorti, il y a Tiny Tina de Borderlands, etc., qui est encore un autre type de jeu, mais j'ai l'impression qu'il a quand même rebattu les cartes pour pas mal de gens. Et quel va être l'avenir de From Software à partir de là? Parce que moi, j'aurais envie de dire drop the mic, quoi. C'est-à-dire que on a tout donné. Est-ce qu'on a envie de remettre ça avec un jeu aussi grand tout de suite? Ou est-ce que on va plutôt faire comme James Cameron après Avatar, j'allais faire une 10 ans sabbatique et puis on se verra plus tard. Quel est votre avis là-dessus sur l'avenir? Arnaud? En fait, c'est la vraie question que je me suis immédiatement posée au bout de quelques heures de jeu, après avoir vraiment compris l'étendue, notamment en fait juste sur un truc très simple, c'est la map, la taille de la map en fait. Je me suis dit, mais comment tu fais pour passer après ça? Parce que quand tu veux faire une suite, normalement tu fais plus grand, tu fais bigger, badder, et là c'est déjà tellement immense. Moi je vois des points d'amélioration sur essayer d'être encore plus, de pas faire autant de répétitions de boss, d'avoir un peu plus de liberté dans tout ce qui est grotte et tout ça dans les à côté. Après moi je suis un grand joueur des Platinum Games et de Bayonetta, autant vous dire que la réutilisation de boss, ceinture noire. Ouais. Ils ont encore de la marge, hein. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment se demander comment tu fais quand t'as atteint ce niveau d'achievement, comment tu fais pour aller encore plus loin. Après, je leur fais confiance. Ça fait plus de 10 ans qu'ils régalent vraiment sur, au final, une recette qui se répète. Hein. On peut aussi être lucide sur le fait que c'est que une même recette qui est déclinée avec ses variations et à chaque fois avec de très bonnes variations. Mais il y a quand même un squelette qui reste assez semblable depuis une dizaine d'années. Donc, je leur fais entièrement confiance. Mais je ne sais vraiment pas comment tu peux faire un open world plus grand avec encore plus de créatures. Le lâcher parmentier, la recette change pas et c'est très bon. Après, je serai là. Je yankleeze au premier jour de toute façon, quoi qu'il fasse. Hein, ça, c'est certain. Je pense qu'ils ont un peu le même problème que Carole Quintaine. Ouais, que Breath of the Wild. Hein. Tu te dis toujours, tu passes après, tu dis bon, le 2, comment ils vont faire pour aller plus loin, pour faire plus fort, pour faire plus grand, plus généreux. C'est pareil pour Elden Ring. Comme tu disais, il y a plein de trucs à améliorer. L'IA aussi. Il y a la caméra aussi. Hein, la caméra, je pense que c'est le pire boss en fait. Vous ne l'aviez pas dit ça par contre, Exerf, vous auriez pu le dire que c'était le pire boss des jeux From Software. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Mais très clairement, oui, il va falloir, s'ils veulent aller plus loin, évidemment, il va falloir du boulot. Mais comme tu disais, ils sont très très bons, il y a énormément de talent. Il faudrait une map encore plus grande, encore plus de secrets, encore plus de boss différents, toujours aller encore plus loin dans cette direction artistique complètement barrée. Moi, j'adorais un Elden Ring 2, clairement. Mais après, c'est vrai qu'on mentionnait de nouveau Breath of the Wild, mais par rapport à sa suite, c'est vrai que les airs n'ont pas encore été aussi bien explorés chez From Software pour l'instant. Et qu'il y a autant ils font très bien les souterrains, enfin, on l'a vu, ils savent le faire, donc c'est vrai que faire un jeu à 3 niveaux, où on rajouterait en fait un niveau céleste, ça peut déjà aussi apporter quelque chose. Dites. Oui, alors je ne sais pas s'ils partiront sur un Elden Ring 2, d'autant plus que je ne suis pas du tout assez avancée dans le jeu pour savoir s'il y a possibilité sur ça. Moi, en fait, je leur fais confiance parce que, comme le disait Arnaud, c'est vrai qu'il y a un squelette principal qui revient tout le temps, mais je trouve qu'ils ont su se réinventer à chaque fois. En fait, il y a eu Dark Souls, il y a eu Sekiro, il y a eu Bloodborne, on a Elden Ring. C'est quand même des propositions qui sont assez différentes. Je souhaite pas particulièrement qu'ils partent sur quelque chose de plus grand, de plus exceptionnel, etc. Peut-être qu'à ce trouve, ils vont abandonner le monde ouvert. Peut-être qu'ils repartiront sur une autre formule. Je pense pas que parce que Elden Ring a cette proposition-là, on soit obligé de continuer dans du monde ouvert, dans du plus grand, dans du plus exceptionnel, etc. Franchement, je leur fais assez confiance pour nous surprendre d'autres façons. Je trouve que ce questionnement-là, en mode ils vont faire un truc exceptionnel dans le monde ouvert, c'est vraiment une réflexion de joueurs et joueuses qui sont peut-être habitués aux propositions vidéoludiques qu'on a actuellement, qui sont sur du monde ouvert. Mais en fait, est-ce que c'est le futur qu'on veut? Est-ce que c'est le futur qu'on va avoir? J'en suis pas du tout convaincue. Oui, peut-être qu'en fait, c'est tout simplement aussi, ça peut être aussi une sorte de chant du cygne d'adieu du monde ouvert. Voilà, on a tout fait, maintenant on va... Ça peut être ça aussi. Hein. Exerve, quel est votre point de vue là-dessus? Non, ce n'est pas le chant du cygne du monde ouvert, bien sûr que non. Ce qui mettra un fin au monde ouvert, ça sera l'effondrement de la civilisation, parce que l'industrie du jeu vidéo, de toute façon, merci, elle est de toujours plus. De rien. Non, mais je pense qu'il faut être lucide à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour moi, le Elden Ring aujourd'hui, c'est le jeu qui s'est le plus vendu chez From Software. Il y a globalement aucune autre chance qu'ils vont garder ce ton-là. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être faire un Elden Ring 2, mais ils auraient tort de pas capitaliser là-dessus. Je suis tellement d'accord. Ils proposent d'autres jeux à côté, évidemment. C'est-à-dire qu'on le sait, ils sont sur plusieurs jeux. J'espère secrètement qu'ils ressortent un jour un jeu d'une série de robots qui s'appelle Armored Core. Donc peut-être qu'on verra. Mais pour la suite, je pense qu'effectivement, ils vont rester sur cette logique d'Elden Ring. Donc peut-être pas plus grand, mais le monde ouvert, pour moi, c'est acté. C'est-à-dire que là, ils savent le faire. C'est que la première fois qu'ils s'amusent avec ce truc-là, et ils sont déjà tellement loin qu'on a l'impression qu'ils peuvent pas aller plus loin. Mais en fait, si, il y a beaucoup de choses à imaginer. Effectivement, Arnaud le disait, il n'y a pas du tout de niveau, il n'y a pas forcément de choses très célestes ou aériennes, mais il y a même d'autres choses. On peut pas nager, il y a énormément d'aspects qui sont pas encore exploités. Et donc moi, je leur fais confiance, c'est-à-dire que je sais qu'ils peuvent aller plus loin. Maintenant, j'espère aussi qu'ils prennent quand même quelques semaines de vacances avant de recommencer, parce que malheureusement, ils peuvent pas faire comme James Cameron et prendre 10 ans de pause, parce que c'est quand même des centaines de gens dont il faut payer le salaire tous les mois, quoi. Après, oui. Je vais faire le puriste, mais moi, je voudrais que la peur de l'eau reste dans les jeux From Software, parce que vraiment, les étendues d'eau, tu vois, là, tu peux pas nager, c'est la mort, et je pense qu'il faut qu'on garde cette peur de l'eau dans ces jeux-là. Après, tu peux avoir des trucs un peu engloutis, vas via des souterrains, tu sais que t'es sous l'eau, mais voilà, pas du Zelda, si tu veux pas le temple de l'eau comme dans Zelda, mais des trucs un peu différents, mais j'avoue qu'il y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs niveaux de... La peur du vide et la peur du lot, ça fait quand même partie des grands classiques. Ah non, mais tombé tellement de fois. La chute aussi, c'est un bon boss de... J'ai juste une question, est-ce qu'on sait s'il y a des DLC de prévus pour Elden Ring ? Il y a des rumeurs, mais j'aimerais bien, moi. Parce que ça peut être ça aussi dans l'avenir le plus proche. Moi, je sais rien à ce sujet. Parce qu'ils ont toujours eu, ils sont souvent fait des DLC pour leur jeu. Et on sait que, ils y mettent autant de passion et de finition, quand tu vois ce qu'ils avaient fait depuis Dark Souls, en fait, sur les DLC. Ça a toujours été du vrai contenu en plus. Donc, à la limite, s'ils peuvent sortir une belle expansion l'année prochaine ou dans deux ans, ça me va aussi. Hein. Est-ce que je peux poser une question, justement? Je me permets, parce que j'ai des spécialistes autour de moi. Après Demon's Souls, parce que bien évidemment, je vais le terminer. Quel jeu est-ce Bloodborne. Qu'on me conseille? Ah, Bloodborne. T'es sûr? Bloodborne, Arnaud? Ouais, j'avoue. Ouais, Bloodborne. Exerve, je fais quoi après Demon's Souls? Oui, de toute façon, c'est vrai qu'avec Elden Ring, t'as déjà joué un peu à Dark Souls 3 sans le savoir. Ouais, c'est donc ce qu'on a dit. Demon's Souls, tu vois l'origine, tu vois d'où ça vient et tu vas pouvoir te rendre compte. Donc oui, Bloodborne, c'est top derrière. De toute façon, c'est probablement un de leurs meilleurs. Donc, oui. D'accord. Voilà. C'est fait. Merci. Bloodborne ou Sekiro, si tu veux Sekiro, partir vraiment sur du challenge en combat, il est vraiment top pour ça. C'est vrai. Oui, on m'a dit qu'il était extrêmement, extrêmement difficile. C'est un jeu de rythme. Ouais. Pour avoir le sens du rythme, vraiment, pour Sekiro. D'accord. Non, Bloodborne. Bloodborne ou Sekiro. Mais je note quand même Sekiro. Je trouve que les chasseurs de créatures et ils ont trop la place. Et si je peux me permettre, j'aimerais justement que peut-être soit Elden Ring 2, mais là, il pourrait aussi y avoir une carte à jouer avec un Bloodborne 2. Ah oui, exactement. Moi, c'est mon rêve. C'est mon PlayStation, rêve. Étant donné que c'est une licence à eux, ils ont tout intérêt à continuer d'attirer des gens sur leur plateforme en disant « Au fait, vous avez aimé Elden Ring, regardez, on a Bloodborne 2, wink wink, achetez notre console. » Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Vraiment, merci Dietz, merci Exerve, merci Carole Quintaine, merci Arnaud Tomassini d'avoir évoqué si bien ce jeu qui nous a tous passionnés. Ce blockbuster a été réalisé de main de maître par Étienne Bertin. Merci Étienne. Il a été préparé par Fabrice Rivaud. Merci Fabrice. Et moi-même. Merci moi-même. Et aujourd'hui à la technique, et je suis content parce que quand il est là, je me sens bien, je me sens entre de bonnes mains à la technique. Fabrice Desmaz, merci. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Oh yes, tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.